89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Léa Tessier viendra nous faire découvrir sa recette auditive dans un autre mashup musical et Marc Gagné nous parlera de cinéma pour bien commencer la transition vers le week-end. Assemblage requis commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 8 mars 2018. On est à 50 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Thalia Baudin est malheureusement en congé aujourd'hui parce qu'elle est au jeu de la communication. On lui souhaite bonne chance et en plus, elle n'a même pas accès à son téléphone cellulaire, fait qu'on peut même pas y parler. C'est triste. Mais on est quand même en direct des studios de CFO à Trois-Rivières et je devrais avoir des gens pour m'aider tout au long de l'émission. Si tout va bien avec la tempête de neige, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Mais on devrait avoir de la visite surprise pour co-animer la deuxième partie de l'émission. On s'y est au courant tantôt. On a aussi des chroniqueurs qui devraient être là. À 7h30, Léa Tessier devrait venir nous faire sa chronique mashup musical. Donc, elle prend deux styles musicaux qui fit d'habitude pas ensemble et nous en parle. Après ça, Marc Gagné à 8h va être là pour parler de cinéma. Lui qui prend pas mal n'importe quel sujet qui lui adonne, c'est comme ça. On le reçoit puis on est bien heureux de l'avoir. Marc Gagné à 8h. Le reste, je vous garde ça en suspens, sauf pour vous dire qu'à la toute fin, il y aura une grosse pointe en dresse, comme on finit toujours la semaine avec ça. Et j'espère bien avoir du plaisir avec tout le monde dans une grosse pointe en dresse à la fin. Voilà, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. On va faire aussi son foutu palmarès dans quelques instants. On va parler de dessert. Dans son super reste tantôt. Mais avant ça, on écoute Fanny Bloom. Voici On s'aimera. Assemblage requis. Dis-moi que la pluie qui s'éternise ne s'éternisera pas. Je veux qu'ici une douce brise à l'abri pour une fois. Dis-moi, mon petit, que la grande averse ne bien petit dans tes bras. Si la tempête venait nous avaler, j'attacherai toutes les valises au bois. Si la tempête venait à bout de tout ça, il serait mon cœur que de toi. Il serait mon cœur que de toi. Dis-moi, mon chéri, que c'est thank you. Fanny Bloom avec la pièce On s'aimera, Assemblage requis. Maintenant, c'est Son foutu palmarès. C'est la chronique qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, ben, j'ai dit tantôt qu'on parlerait de dessert, mais on va aussi parler de boissons gazeuses. On va commencer en parlant donc de soda. Vous avez probablement entendu parler de New Coke et Crystal Pepsi à travers le temps. Sinon, on va en parler tantôt. Hein? mais à travers les années, la compagnie Coca-Cola et la compagnie PepsiCo, hein, Pepsi-Cola, ont joué un petit peu avec leurs produits, ce qui a amené quelques produits discontinués. Maintenant, donc quelques exemples de produits qui ont été des flops. Commençons par OK Soda. C'était en 1993, Coca-Cola voulait capitaliser sur le mouvement de la contre-culture associé avec les membres cyniques de la génération X. Un haut placé du marketing, Sergio Zimon, a trouvé l'idée de OK Cola. C'était une boisson gazeuse qui était supposée attirer les sensibilités anticorporatives du peuple américain. Hein? Quand même. D'autres, évidemment, des théoristes du complot croient que OK Soda était un scénario par la CIA pour que l'Amérique, les États-Unis corporatives soient plus près de la génération X pour rendre la génération X plus conservatrice. Mais probablement que c'est faux, comme toutes les théories du complot, quand même. OK Soda avait son propre manifeste et une campagne de marketing vraiment pas conventionnelle qui tournait autour de l'idée que les choses allaient bien finir, donc « Things are going to be okay ». La compagnie a même engagé le dessinateur Daniel Close, qu'on connaît pour Ghost World, et Charles Burns de Black Hole pour créer ses canettes de boissons gazeuses et les publicités pour la marque. Malheureusement, Coca-Cola a tiré la plug quand les ventes étaient vraiment pas si hautes que ça dans un marché test en 1995. Aujourd'hui, les canettes de OK Soda et les dessins qui vont dessus peuvent être retrouvés sur eBay pour environ $50 par canette. Fait intéressant, nous dit Mental Floss, Sergio Zimon est devenu est le même exécutif chez Coca-Cola qui a lancé New Coke, dont on va parler tout à l'heure. Ensuite, Lemon Lime Slice, la boisson gazeuse Slice de la part de Pepsi, qui a amené ça pour compétitionner avec 7-Up et le Sprite de Coca-Cola en 1984. Les ventes du Slice à l'origine étaient si fortes que Pepsi a amené plus de saveurs et de variétés. Par exemple, Apple Slice, Fruit Punch Slice, Grape Slice... fruit de la passion, pêche, mandarine, ananas, fraise, cerise, la saveur rouge en général, cherry lime, donc cerise lime, et Dr. Slice. C'était la réponse de Pepsi à Dr. Pepper, bien sûr, donc ça a dû avoir énormément de succès pour amener autant de saveurs. En 1987, Slice avait une part de marché de 3,2%, mais un an plus tard environ, c'était descendu en bas de 2%. Le problème, c'était que c'était assez cher à produire et Coca-Cola était capable de trouver un produit compétiteur. On a amené le Orange Soda de Minute Maid, qui était moins cher à fabriquer, et les gens préféraient le goût de Minute Maid Orange Soda. Certaines variétés de Slice sont toujours disponibles dans des fontaines aux États-Unis. Le Lemon Lime Slice, l'original, a été discontinué et remplacé par Sierra Mist de Pepsi en 2003. Qu'on n'a pas ici encore, je comprends pas qu'on n'a pas encore de Sierra Mist, mais bon. Ensuite, toujours dans les produits discontinués chez Coca-Cola et Pepsi, on parle de Beverly. En 1969, Coca-Cola a amené cet apéritif non alcoolisé avec des bulles pour le marché italien nommé Beverly. Les apéritifs qui sont généralement des breuvages alcoolisés servis avant un repas pour stimuler son appétit. Beverly est resté sur les tablettes à travers le pays pendant 30 ans, mais a été discontinué lorsque la compagnie a consolidé ses usines italiennes d'embouteillage en 2009. Si vous voulez goûter au Beverly, le soda sophistiqué est disponible dans différents musées World of Coca-Cola à travers les États-Unis. Avertissement, par contre, les Américains sont pas vraiment habitué à son goût âcre, donc vous pourriez ne pas être fan. Hein? YouTube est rempli de réactions au Beverly Soda. Ensuite, Mountain Dew Sport. Après un grand test en 1989, Pepsi a amené Mountain Dew Sport l'année suivante, donc en 90. Le breuvage était une boisson sportive à saveur de Mountain Dew avec seulement 2 calories. Il y avait aussi une contrepartie diète disponible 100 calories, mais avec le même, entre guillemets, goût de Mountain Dew. Pepsi a créé Mountain Dew Sport pour compétitionner avec Gatorade, mais ils l'ont discontinué étant donné les mauvaises ventes en 1991. Cette même année-là, la compagnie a sorti All Sport, une version reformulée de Mountain Dew Sport que Pepsi a vendu pendant les années 90. Par contre, lorsque Pepsi a acheté Gatorade en 2001, ils ont signé une entente avec le FTC, le Federal Trade Commission, qu'ils allaient vendre tout leur All Sport pour augmenter la compétition dans le marché. Ils ont vendu ça, tous les produits de All Sport, pardon, à une autre compagnie pour augmenter la compétition dans le marché. Ils ont vendu ça à une petite compagnie qui, elle, s'est fait acheter par Coca-Cola, qui a fait une entente avec Dr. Pepper Snapple Group, qui a relancé All Sport en 2009. Ce qui veut dire que techniquement, on peut toujours acheter le petit-fils de Mountain Dew Sport en achetant les bouteilles de All Sport aux États-Unis. Ça a été racheté par Big Red. Je sais pas si Big Red est un surnom pour Coke ou c'est une compagnie en tant que telle. Juste me renseigner quelques instants pour pas dire n'importe quoi. Hein? Big Red, ça a l'air d'être une compagnie, une autre compagnie à part. Ouais, de boissons gazeuses que je ne connaissais pas. Hein? Ensuite, le Coca-Cola C2. Alors là, par contre, je dois dire que j'ignorais l'existence du Coca-Cola C2. C'était lors du sommet de la folie des boissons gazeuses à faible glucide. Coca-Cola a amené Coca-Cola C2 sur le marché japonais, américain et canadien en 2004. La nouvelle boisson gazeuse avait la moitié du sucre, la moitié des calories et la moitié des glucides du Coca-Cola normal. Et pour vendre ça, la compagnie a lancé une campagne publicitaire agressive à la radio et à la télé, mettant en vedette la chanson de Queen, I Want to Break Free, et celle des Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Mais après quelques années de ventes décevantes, Coca-Cola a arrêté de vendre C2 en 2007. Ça me surprend que je me rappelle pas de ça. J'ai sûrement vu ça quelque part, mais ça me revient pas en tête. Coca-Cola C2. Ensuite, le Pepsi Wild Bunch. À l'été 1991, Pepsi a sorti trois nouvelles saveurs qui disaient être une amélioration de leur soda régulier. Donc, Pepsi Wild Bunch, ça essayait de capturer le goût de l'été avec... avec Strawberry Burst, donc aux fraises, Tropical Chill et Raging Raspberry aux framboises. Un désavantage vraiment évident, c'est que Pepsi Wild Bunch venait en emballage de 3. Donc si tu voulais une seule saveur, dommage pour toi, t'avais les 3 saveurs devant toi. Le breuvage était seulement disponible dans quelques marchés tests aux États-Unis jusqu'à ce que Pepsi discontinue l'idée un an plus tard. Ensuite, celui-là, je m'en souviens très bien, c'est le Sprite Remix. C'était en 2003, Coca-Cola a amené Sprite Remix pour vendre ça au marché émergent. Qui disent eux-mêmes « marché émergent du hip-hop et des DJ qui font des remixes ». Le breuvage était similaire au Sprite régulier, mais avec un petit peu plus d'agrumes ou de fruits. Sprite Remix était éventuellement disponible en 3 variétés, Tropical, Berry Clear, au baie, et Aruba Jam. Coca-Cola, oui, plus tard, a sorti une version « Do-it-yourself » à faire à la maison de Sprite Remix, qui avait des petits sachets de saveurs qui venaient avec une canette de Sprite normale. Parmi les saveurs, il y avait raisin, vanille et cerise. Sprite Remix a été discontinué étant donné les mauvaises ventes en 2005, mais récemment, certains marchés test ont reçu Sprite Tropical sans le remix, mais c'est apparemment un peu la même recette que le Tropical Sprite Remix. C'était de retour aux États-Unis dans certaines parties du sud-est. Ensuite, toujours sur la liste des produits de Coke et de Pepsi qui ont été discontinués à travers l'histoire, le Pepsi Natural. C'était en 2008, Pepsi a amené Pepsi Natural. C'était donc un soda sans aucune saveur artificielle, aucun colorant artificiel, aucun agent de conservation, aucun édulcorant. C'était fabriqué avec de l'eau pétillante, mais juste un petit peu pétillante. Le breuvage était fait avec du caramel naturel, de l'extrait de pomme, de l'extrait de noix de cola et de la canne de sucre de canne, patente, là, truc naturel à la place du sirop de maïs à teneur élevée en fructose. Pepsi Natural était même dans un emballage de 12 bouteilles de vitre et c'était seulement disponible dans les épiceries premium et dans les allées de nourriture naturelle. Pepsi Natural qui ressemblait un petit peu à la recette de Pepsi Raw au Royaume-Uni, Pepsi Cru qui a été discontinué en 2010 étant donné les mauvaises ventes évidemment. Ensuite, le soda Volt, V-A-U-L-T, pour faire compétition avec Mountain Dew de Pepsi, Coca-Cola a sorti Volt, avec plusieurs variétés de saveurs en 2005. Volt, c'était un soda aux agrumes, et une boisson énergisante, un hybride entre les deux, qui ciblait les adolescents et les jeunes hommes. En 2006, Volt faisait partie du pre-game show du Super Bowl, avec plusieurs publicités télé qui déclaraient que ça se buvait comme un soda, mais ça botte comme une boisson énergisante. Drinks like a soda, kicks like an energy drink. Coca-Cola aussi produit Volt Zero, Grape Volt au raisin, Peach Volt et Volt Red Blitz avant de discontinuer la ligne au complet en 2011. Ensuite, le Diet Pepsi Jazz. Oh oui, j'avais oublié le Pepsi Diet Pepsi Jazz. C'était en 2006. Une boisson diète disponible en 3 saveurs différentes. Cerise noire, Black Cherry. Oh, attends un peu. Non, c'est des mélanges. Black Cherry and French Vanilla, donc cerise noire et vanille française. Strawberries and Cream, fraise et crème. Et Caramel Cream, crème caramel. Pepsi a annoncé que la boisson gazeuse était le nouveau son du cola. The new sound of cola. Dans sa campagne publicitaire avant de discontinuer l'addition en 2009. Ça, là, j'aimerais ça y goûter. Vraiment, c'est fraise et crème, là. Un autre que je me rappelle avoir vu en magasin, mais que j'ai jamais essayé et je le regrette, c'est le Coca-Cola Black. Si votre soda, vous aviez envie qu'il goûte un petit peu plus le café, hein? Pour une brève période, en 2006, Coca-Cola a fait de vos rêves une réalité en sortant un Coca-Cola à saveur de café nommé le Black BLAK. Le breuvage, la compagnie de breuvage, oui, a travaillé pendant 2 ans à développer la recette en espérant entrer dans ce marché du café premium. Coca-Cola a officiellement discontinué malheureusement Black en 2007, mais a continué de vendre le stock qu'ils avaient déjà fabriqué jusqu'en 2008. Pepsi, pour sa part, a aussi vendu un soda à saveur de café, le Pepsi Kona, K-O-N-A, et le Pepsi Cappuccino dans certains marchés tests, pendant les années 90. Et pour terminer, je me rappelle avoir déjà parlé de ça à l'émission, mais parlons-en plus en détail, le Pepsi AM. Oui, le Pepsi AM comme dans le matin. C'était pour capitaliser sur la mode d'avoir un substitut de soda pour aller à l'encontre du café. Donc à la place du café, tu buvais du soda le matin dans les années 80. En tout cas, c'est ce qu'on voulait faire. Pepsi a sorti Pepsi AM en 1989. Une boisson gazeuse qui était faite pour être consommée pendant le déjeuner. Pepsi disait qu'il y avait 28% plus de caféine que le Pepsi régulier à l'intérieur. Ce qui est 77% de moins quand même que le café. Pepsi AM a été discontinué, étant donné les mauvaises ventes, en 1990. La compagnie Coca-Cola a sorti, elle, une variété matinale de Coca-Cola, mais la compagnie multinationale a commencé à vendre l'idée de boire du soda au déjeuner avec sa campagne Coca-Cola in the morning. C'est quelque chose, un test que certains ont encore en tête. Hein. Je vois des gens, des fois, boire de la liqueur au déjeuner. C'est pas mon genre, mais OK. Je peux comprendre, c'est quand même rafraîchissant avec un petit peu de caféine. J'aurais peut-être l'essayé. Non. Faut pas commencer à boire trop de liqueur, les enfants. C'est pas vraiment une liste dans ce cas-ci, mais j'avais envie de parler de Coke 2, de New Coke. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler comme étant le pire des flops de l'histoire. L'histoire de New Coke est souvent récitée dans le monde du marketing, ayant peur du succès de Pepsi et du succès du Pepsi Challenge, où les gens essayaient à l'aveugle Pepsi et Coke et choisissaient tout le temps Pepsi. Coca-Cola a reformulé sa recette et a amené une version plus sucrée de son breuvage en 1985, nommée New Coke. Le Old Coke a été complètement retiré du marché à ce moment-là et les clients ont vraiment fait savoir leur outrage avec 400 000 appels téléphoniques et lettres envoyés à la compagnie Coca-Cola à cette époque-là. Moins de 3 mois plus tard, trois mois après avoir révélé New Coke, l'ancien Coke était de retour sous le nom de Coca-Cola classique et tout a bien été. C'est plus compliqué que ça, selon la page Wikipédia, l'histoire est vraiment complexe. Je vais mettre la page sur assemblagerequis.com, mais là, on y va avec les grandes lignes ici. Les Américains sont retournés au supermarché pour aller chercher leur vieille recette qu'ils avaient oublié qu'ils aimaient tant. Hein? Étant donné la participation des gens, l'effort pour ramener le vieux Coke peut être considéré comme un des plus grands mouvements de protestation de l'histoire américaine. Quand même. Certains disent, évidemment, les théoristes du complot sont toujours là pour dire que Coca-Cola a fait exprès en sortant une nouvelle version pour pouvoir revenir à l'ancienne plus tard et créer du buzz. Non, ils ont mis beaucoup d'argent sur le New Coke. Énormément d'argent. L'engagement était vraiment là. Le directeur général Roberto Goizueta était tellement attaché à ce breuvage-là et lorsqu'il a annoncé le retour de l'ancienne recette, il a dit que les embouteilleurs auraient accès à des concentrés de New Coke et de Coca-Cola classique et ils allaient pouvoir choisir quel pourcentage de chaque faire. Et justement, il y en a certains qui ont continué de faire le New Coke pendant plusieurs années. Ça a été discontinué en 2002, ce qui est quand même récemment là, comparé à 1985. Tout le monde pense que ça a eu lieu, que c'était disponible pendant 3 mois et c'est fini. Non. Coca-Cola classique a commencé à se vendre beaucoup plus que New Coke, 10 contre 1 à ce moment-là, et quelques embouteilleurs ont même recommandé du sirop de New Coke de nouveau. La compagnie, comme je disais, avait toujours de l'espoir pour la nouvelle recette. Ils ont changé son nom en 1992. Ils l'ont renommé Coke 2. Ça faisait partie de leur ligne officielle. On avait le Coca-Cola classique et le Coke 2. Avant, c'était le Coke normal et le New Coke. Hein, on se comprend. Bref, ils étaient vraiment... ils voulaient absolument que ça fonctionne. Ils l'ont jamais admis, mais le New Coke et le Coke 2 étaient supposément moins chers à produire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont continué d'essayer de faire de ça un succès. Dans The Real Thing, Truth and Power at the Coca-Cola Company, un petit peu de temps après la sortie de New Coke dans les marchés ciblés, Pepsi a demandé à leur chimiste d'examiner la formule du New Coke. Ils ont appris que ça contenait moins d'huile et de vanille et que la nouvelle formule économiserait à Coke environ 50 millions de dollars par année en enlevant les ingrédients les plus chers. Ça, c'est des choses que j'ignorais. Je pensais que c'était juste une question de goût et de bad Pepsi avec du sucré, un petit peu plus sucré. Bref, le nom différent, Coke 2, n'a pas vraiment aidé. Coke 2 qui a été produit de moins en moins d'embouteilleurs jusqu'à ce que ce soit complètement tué en 2002. À l'occasion, on peut toujours trouver des bouteilles pas ouvertes, évidemment, sur eBay. Mais essayez-le pas nécessairement parce que Coke 2, ça goûte pas mal comme le New Coke, c'est-à-dire sucré et un petit peu plus plat, un petit peu plus flat que le Coke. Il y en a qui aimaient ça, hein? Allez voir des critiques sur YouTube, c'est quand même assez intéressant. Et lisez l'article au complet New Coke en anglais. Celui en français a genre deux paragraphes, mais celui en anglais est vraiment très exhaustif et je l'ai bien aimé. On change de sujet, on a parlé de boissons gazeuses. Maintenant, on passe au dessert, comme je l'ai promis tantôt. On va parler de quelques faits sur Dairy Queen. Vous savez que DQ redémarre la saison estivale le 1er mars. Hein, ça fait une semaine déjà que c'est ouvert et aujourd'hui, en jour de tempête, c'est pas sûr que c'est très rentable d'ouvrir Dairy Queen à ce moment-là, mais bon, hein, que voulez-vous? C'est un principe qu'ils ont choisi, 1er mars. Hein. Donc, que vous soyez quelqu'un qui aime la vanille ou quelque chose de plus élaboré, un banana split, peu importe, votre Dairy Queen local est l'endroit où aller chercher la crème glacée depuis les années 40, depuis en fait 1940. Et on commence par le fait que le premier DQ était situé à Joliet, en Illinois. Pour faire la promotion de sa nouvelle boutique de crème glacée, le fondateur Sherb Noble a suggéré « All you can eat for 10 cents », donc une vente, tu peux manger tout ce que tu veux, donc à volonté pour 10 cents seulement. La promotion était super populaire et Noble pensait qu'elle allait avoir des foules de gens qui allaient briser les vitres. Mais bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Hein. Ensuite, un Brazier Dairy Queen. Brazier, B-R-A-Z-I-E-R, c'est un Dairy Queen qui sert de la nourriture chaude en plus de la crème glacée. C'est pas écrit sur leur pancarte habituellement, mais il y a des Dairy Queen, c'est écrit, mais c'est pas marqué le mot Brazier, mais c'est comme ça qu'on les appelle dans le domaine. Brazier, c'est un mot qui veut dire charcoal un petit peu, donc B-R-A-Z-I-E-R, Brazier Dairy Queen. Il y a une raison derrière le nom de la compagnie. À l'origine, la boutique s'appelait Dairy Queen parce que Jack Grandpa McCullough, c'était son surnom, Grandpa, était la force derrière la crème glacée molle de Dairy Queen. Il a dit que sa création était la reine des produits laitiers. Donc c'est pour ça qu'on a nommé ça Dairy Queen. Eh bien, la recette justement de crème glacée molle est un secret dans le domaine. Un peu comme le PFK et le Coke, ils ne vont jamais révéler leurs ingrédients. La formule est gardée dans un coffre-fort très sécuritaire. Il n'y a que quelques clés pour y accéder, a dit l'officier de la marque en chef de Dairy Queen, Michael Keller. No Doubt s'est formé dans un Dairy Queen en 1986. Gwen Stefani et son frère Eric travaillaient avec un autre membre fondateur du groupe, John Spence, dans une boutique Dairy Queen de Anaheim. Ils ont discuté de former un band. D'autres employés vedettes de Dairy Queen à travers l'histoire, l'ancien Attorney General américain John Ashcroft, l'actrice Bonnie Hunt et la chanteuse Martina McBride. Même si Dairy Queen existe depuis 1940, ils n'ont pas inventé la marque de commerce Blizzard avant 1985. Ils ont vendu plus de 175 millions de Blizzard pendant la première année. Plusieurs franchisés virent leur Blizzard à l'envers hein, avant de le servir. Vous le voyez probablement, Trois-Rivières on le fait aussi, j'ai vu les photos. Je ne commande pas vraiment de Blizzard chez Dairy Queen, mais j'ai vu des gens le faire. Donc c'est une preuve du fait que c'est... épais et délicieux comme crème glacée molle. Mais c'est aussi une gamique de marketing. Certains magasins vont offrir même le Blizzard gratuitement si l'employé ne montre pas ce petit truc de le virer à l'envers. Le Blizzard au thé vert est le numéro 1 des ventes en Chine. Hein? Alors qu'aux États-Unis, le plus populaire des Blizzards, c'est très classique, c'est l'Oreo. Warren Buffett qui adore Dairy Queen. Bien sûr, il est propriétaire de Dairy Queen en partie. Au moins sa compagnie Berkshire Hathaway. Mais il encourage vraiment le produit. Une fois, en mangeant au Four Seasons, un hôtel de New York, il a demandé à l'équipe d'aller lui chercher de la crème glacée Dairy Queen pour dessert. Malheureusement, la ville n'avait pas de Dairy Queen à ce moment-là, donc il a dû manger des biscuits. Pauvre chouette, hein? Dairy Queen vendait une option yogourt glacé dans les années 90, mais ça n'a pas été populaire. Pourtant, moi, c'est ce que je mange quand je vais dans une place de crème glacée comme ça. Je prends pas mal tout le temps un yogourt glacé, c'est ce que j'aime le plus. Donc, ça s'appelait le Breeze. C'était un blizzard faible en calories, donc une alternative fabriquée à partir de yogourt. Ça existait pendant environ une décennie avant que la compagnie retire ça du menu, disant que la demande était si faible que le yogourt glacé tournait. J'en passe date avant qu'on puisse l'utiliser. Pas de bonne nouvelle, ça. Ensuite, le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a fâché les employés de Dairy Queen partout au pays, aux États-Unis, en 2002. Cuban a suggéré que Ed Rush, qui était le chef officier de la NBA, était même pas capable de gérer un Dairy Queen. En réponse à ça, la compagnie a invité le milliardaire à l'essayer lui-même, hein, et il a accepté l'offre en portant une étiquette de nom Tony. Mark Cuban a passé 2 heures à servir des clients dans un Dairy Queen de Coppell, au Texas, en 2002. Il a eu de la difficulté à perfectionner le célèbre Q qu'on met sur les cornets de crème glacée molle, le petit Q, le petit entourloupette, la queue de cochon. Il a eu bien de la misère à faire ça. Techniquement, lorsque tu commandes un cornet chez Dairy Queen, tu ne reçois pas nécessairement de la crème glacée. Selon la compagnie, leur crème glacée molle ne se qualifie pas sous le terme de crème glacée. Pour être catégorisé comme une crème glacée, le minimum de gras doit être de 10% et leur crème glacée molle a seulement 5%. Donc techniquement, c'est pas de la crème glacée. C'est un dessert glacé, si on veut. Ensuite, la Dilly Bar a été inventée en 1955. Crème glacée molle, couverte de chocolat, avec la signature de la petite entourloupette de Dairy Queen a été introduite dans les franchises par Robert Litherland, copropriétaire d'un magasin d'une boutique à Moorhead dans le Minnesota. Les employés d'un distributeur de crème glacée à Minneapolis sont arrivés à la porte de Litherland pour lui montrer la technique. Et finalement, il a tenu la barre dans ses mains en disant « Wow, mais c'est vraiment génial !» Mais en disant « Now isn't that a Dilly ?» Dilly comme un petit surnom, là, comme Big Deal, genre. Le nom est resté. Litherland a un seul regret. Ils n'ont pas été assez intelligents pour prendre une marque de commerce sur le nom de leur Dilly Bar, malheureusement. Le moulaté, hein, c'est de la crème glacée au café qui a créé un petit peu de controverse lorsque Dairy Queen a sorti le moulaté, une boisson de café froide en 2004. Certains trouvaient que le mot ressemblait à moulato, mulâtre, qui est un nom qu'on ne doit plus utiliser de nos jours. La controverse était assez pour qu'on retire le produit. N'a pas été assez pour qu'on retire le produit, pardon. Ça existe encore aujourd'hui. Denis Lamalice était le porte-parole de la compagnie jusqu'en 2002. Lorsque le droit d'auteur a expiré, Dairy Queen a choisi de ne pas le renouveler en 2002. On spécule que les exécutifs, les hauts placés de la compagnie, croyaient que Dennis n'était plus un personnage que les enfants appréciaient. Je pense qu'ils ont raison, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Denis Lamalice. Il y a eu, dans le temps, une Little Miss Dairy Queen, avec une belle petite robe, hein, des souliers, puis un petit chapeau hollandais. Little Miss Dairy Queen était en vedette sur plusieurs boutiques Dairy Queen. La plupart sont parties maintenant, mais vous pouvez en voir quelques-unes si vous vous promenez aux États-Unis. Il y en a qui l'ont gardée, la Little Miss Dairy Queen. Le plus gros blizzard du monde chez Dairy Queen pesait 8260,85 livres. Fabriqué en 2001 à Springfield, dans le Massachusetts, Guinness ne spécifie pas la saveur, mais peut-être Oreo, étant donné que c'est le plus populaire, on ne sait pas. Dairy Queen a toujours le record pour le plus gros gâteau à la crème glacée. Fabriqué de gâteau éponge et de crème glacée à la vanille, le dessert a été construit à Toronto en 2011. Il pesait plus de 10 tonnes et sur le dessus, il y avait évidemment des miettes de biscuits Oreo. Hein? Il nous en reste que deux des choses qu'on ne savait peut-être pas sur Dairy Queen. L'Arabie Saoudite adore son Dairy Queen. Berkshire Hathaway a ouvert le plus grand Dairy Queen du monde à Riyad. En Arabie Saoudite, c'est sur 2 étages, 7500 pieds carrés et 240 clients peuvent s'y asseoir. Et pour terminer, la Blizzard Mobile. Pour célébrer le 25e anniversaire du Blizzard en 2010, Dairy Queen s'est un petit peu inspiré de Oscar Mayer et ses saucisses aux États-Unis pour sortir la Blizzard Mobile, un gros camion qui est passé par 25 villes aux États-Unis et au Canada. Le camion qui distribuait des mini Blizzard et qui faisait des jeux pour gagner des coupons et des prix. Voilà, maintenant vous en savez plus un petit peu sur Dairy Queen. Les liens vers tout ça sur assemblagerequis.com, dont l'article de Wikipédia sur le New Coke que vous devez aller lire, si ça vous intéresse comme moi. Alors, on prend une pause au retour. Léa Tessier va être là pour son mashup musical. Restez là. Oh, toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 8 mars 2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin est en congé aujourd'hui parce qu'elle est au jeu de la communication. On la salue. Elle a même pas accès à un radio ou un téléphone cellulaire, donc elle est dans le néant. Peut-être qu'elle va écouter cette mission-là dans le futur, on sait pas. On la salue. Mais maintenant, avec moi, par contre, c'est Léa Tessier. Salut Léa. Bonjour. Léa, qui habituellement était le lundi, déménagée maintenant au jeudi en permanence. Tu l'avais essayé la semaine passée, t'as aimé ça, je pense. Juste deux fois. Juste deux fois, mais bon, bref. Léa qui est là pour son mashup musical. Mais aujourd'hui, on change un petit peu la formule. À la place d'avoir deux styles musicaux qui sont mélangés ensemble, donc un style musical composé de deux styles, tu vas plutôt nous parler de styles un peu moins connus que la normale. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est quoi? Je présente toujours un style qui est mélangé avec, okay. Qui mélange deux autres. Ok. Mais je présente une musique par style. Une musique par style pour trois styles différents de mashup. Voilà. Ah, c'est encore plus le fun, non? Je comprends, là. Je suis pas vite, il faut m'expliquer. Je sais pas. Par quel mashup est-ce qu'on commence? Non, en fait, le style que je vais présenter aujourd'hui, c'est le Two-Step Garage. Okay. Je sais pas comment on dit ça en anglais. Two-Step Garage, ouais, ça. Garage. Mais en fait, c'est un mélange de... En fait, oui, voilà, je présente juste un style, c'est celui-là, et il est mélangé de deux autres styles. Ah! C'est le R&B et le UK Garage. Ah, d'accord. Et voilà. Maintenant, je comprends. Tu peux y aller, je vais te suivre. Donc en fait, le Two-Step Garage, c'est un genre de musique électronique qui sert à danser. Ok. C'est né dans les années 90. Et bah, du coup, comme j'ai de le dire, c'est un mélange de UK Garage et de R&B. Et ça fait partie du courant breakbeat. Ok. Alors, en fait, je me suis dit, je vais présenter le courant breakbeat d'abord. Ok, allons-y. Donc en fait, c'est un courant de musique électronique. Et en fait, dans ce courant-là, c'est le rythme de la musique, il n'est pas normal. En fait, il est cassé, comme on dit. Enfin, okay. C'est ce que ça veut dire. Pas régulier. Voilà, c'est okay. Ça. C'est pas stable, en fait. C'est parce qu'on a une pulsation, en fait, dans le rythme, avec une note sur chaque pulsation, sur chaque temps. Et là, en fait, bah, y a des silences, ou alors il y a des notes qui durent plus longtemps. Et ce qui te fait sursauter un petit peu quand tu l'écoutes. Oui, ouais, oui, c'est ça, c'est surprenant. Ouais. Et bah, c'est fait pour maintenir l'intérêt de l'auditeur et pour permettre de danser, et voilà. C'est pas fade. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut, c'est pas fade. Du coup, ça va paraître un peu bizarre. Ah oui? Désolé. Ok. Donc voilà, ça c'est le courant breakbeat. Le UK Garage. Le UK Garage. Garage. Ouais, garage. Yeah, ça dépend, il y en a qui vont dire garage. Mais c'est garage. Garage. C'est pas un mot le fun à prononcer. Donc, ce courant-là, en fait, il fait partie du courant breakbeat, justement. Okay. Un sous-style, donc. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, en fait, oui. Le courant breakbeat, c'est plus un courant avec plein de genres dedans. Ah, d'accord. Et le UK Garage, c'est un des genres qui est dedans. Et justement, le two-step, en fait, ça descend de là. Ok. Ça me paraît très compliqué ce que c'est, je dis. C'est compliqué, mais en même temps, je pense que si on l'écoute, on va peut-être pouvoir s'en faire une petite Oui, idée. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, on peut écouter une chanson de Fly By. C'est Sparks and Kai, peut-être? Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Ouais, c'est difficile, mais on va se comprendre d'ici la fin de la chronique. Ok. It's all about the flyby. Myself, the Sparks, T-Bone, and myself, the MC Kai. Straight to the Manilian Dome as we roam. AK Zone, Twilight Zone as we roam. F L Y B I T Bone Box Kai, got you flying high. The F, the L, the Y, the B I T Bone Box Kai, got you flying high. F L Y B I T Boom Box Sky, got you flying high. The F, the L, the Y, the B I T Boom Box Sky, got you flying high. Rolling with the T, the double E, the B, the O, the N, the E. Yes, so my DJ coming in fresh. Yes, so we do it like that, so we do it like this, yo. For the girls and the naughty niggas, I said with a sexy figure. T-Bone gonna make them shake and shiver as we deliver. This to my DJ who's in the mix with a box of tricks. Yo, with a flick of the wrist. Other ladies inside to make them move and let's jump and twist. Yes, this to my DJ who's in the mix and I'm with a box of tricks. And some ladies inside make them jump and right, twist. Check one, step into gear, have no fear. Sparks and Kai are here. Give us a roll with the atmosphere. Ravers there and here. Too many MCs sound the same. Play with a it like a game. Hit two livers and a brother fame. Yes, my DJ, you've got the game. When it rains, gonna pour. Rave us, get down, get the dance floor. Cry for the mic, Liverpool laying down the law. How do I like it? Raw, from the bottom to the top. Like it cold, like it hot. DJ MC, gotta run, gotta roll. Shake, rattle, ball. Move the beat, stop the beat, drop the beat. Give me a second, what do you reckon? It's MC Sparks and Kype on a mission. There's no confusion. Hold the bass, drop the bass, drop the bass. Hear the sounds, we're in session. Now music's my foundation. We're going to rock the nation. Who the wheel and the deal and the giving them a feeling. Sparks on them and the mind that's talking. I like when the beats are rolling. Who's on the mic controlling? Who the wheel and the deal and the giving them a feeling. Sparks on them and the mind that's talking. I like when the beats are bumping. Who's on the mic controlling? You know what you gotta do. Don't come with that attitude. Christ sponsor in the venue. The ravers like that. It's not giving that K. Kidness surprise I. Into your eyes E. Just realize. Right to S's, no disguise. Flip that coin. See what you get. Bounce again for the wicked instead. DJ MC on the project. Get out, get down, it's on to inject. Garrison again. The one the ravers I recommend. You know what I've you lot 10 out of 10. Selector. Give it up and make something. L Y B I C. Boom, boom, sky. Got you flying high. Y, B, I, T, boom, box, cut, got you flying high, the F, the L, the Y, the B, I, T, boom, box, cut, got you flying high. Oi, I'm calling promoter. Let's put pen to paper. Stick 'em. Put it to a wee on the flyer. Guaranteed to get the red viper. You know what to do. That's the rap with up sound inside the venue. Going out to the raving crew. Shake a leg or two. MC Sparks, that's your bubbling true. Rubbing up sound inside the venue. Listen to the DJ on the ones and the twos. Whether you're sad or whether you're blue. Going out to the raving crew. Not to get confused. Hear the news. Flyby avec Sparks and Kai. C'est spécial, oui. Léa Tessier. C'est un peu n'importe quoi. Donc ça, c'était le UK Garage. Ouais, c'est un style surprenant. Oui, oui, ben en fait, le rythme, c'est jamais le même tout au long de la musique. Mm-hmm. Enfin, normalement, notre cerveau, il s'attend à ce que le rythme, il se répète dans toutes les musiques, et là, c'est jamais pareil. Là, ça m'a donné l'impression d'être dans ma jeunesse où j'avais une machine pour faire des effets sonores, genre, tu sais, de bip, bip, bip, bip, hélicoptère, truc comme ça. On dirait que c'était comme, ok, pars-moi un beat, n'importe quel beat, n'importe quel beat. Mais c'est pas mauvais, là, c'est juste différent. Ouais. Hein? C'est différent. C'est différent. C'est le mot à retenir. Donc là, répète-nous le concept de la chronique d'aujourd'hui là, pour pas que je me remette encore les pieds dans les plats. Qu'est-ce que tu nous présentes comme chronique aujourd'hui en gros? Aujourd'hui, le thème principal, c'est le Two Step Garage. Two Step Garage, oui. Qui est inspiré du UK Garage et du R&B. Ok, c'est ça tout le long là. C'est ça? Pour les trois chansons. Quoi? C'est ça? J'ai pas compris. Pour les trois chansons qu'on fait jouer aujourd'hui, il y en a une deuxième qui s'en vient là, c'est le même style musical? La deuxième qu'on va écouter, c'est du R&B. Ok, juste R&B. Oui. Est-ce que tu nous en parles un peu? Oui. Alors le R&B, en fait, c'est né dans les années 40 aux USA. Mm-hmm. À la base, en fait, ça désignait toutes les musiques qui sont faites par les Noirs. Ouais. C'était raciste. C'était raciste. Et... J'ai pas encore amené notre ami Gabriel. Bonjour. Béo, bonjour, salut Gabriel. Mais le R&B, justement, les trophées R&B aux Grammys n'étaient pas remis systématiquement les artistes noirs, peu importe le style de musique qu'ils faisaient. Oui, c'est ça. N'importe quel album qui était produit en majorité ou en tout cas... Oui, parce qu'en fait, ils voulaient pas mettre la musique des blancs et des noirs dans les bacs ensemble. C'est comme la ségrégation des voilà, c'est ça. J'ai toujours dit qu'il aurait dû classer CD par couleur, le magasin de disques. Tu sais, ça attire. Ouais, sauf par pas la couleur des artistes. Non, non, non, la couleur des albums, c'est ça. C'est fini maintenant. C'est fini, ça. On vit pas dans le passé ici. Heureusement. Une chance, mais oui. Donc, en fait, le R&B s'est inspiré du gospel, du jazz et du blues. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est plus avec des instruments électroniques, parce que c'était très à la mode dans les années 90, mm-hmm. et encore aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est souvent des voix féminines ou alors des hommes qui chantent bien. Mm-hmm. Voilà. Pas qu'ils se plaignent, mais tu sais, qui sont très, très... Oui. Doux dans leur voix, souvent, genre. Ouais, c'est ça. Puis les paroles sont un peu tristes parce que ça vient du blues. Mmh. Le blues, c'est un peu des chansons tristes d'amour et tout. C'est vrai. Voilà. On va écouter un petit artiste obscur que moi, je connais personnellement pas du tout. Là. Alors, il est pas très, très connu. Non. Michael quelque chose, c'est ça? Michael Jackson. Jackson, d'accord. Jackson. Voilà. Avec quelle chanson? Remember the time, je t'ai ouais, c'est ça. Je lis dans tes pensées, hein, c'est pas fait. Donc, Michael Jackson avec Remember the time. Something. Do you remember how it all began? Il y a bien du potentiel, ce petit-là. Michael Jackson. Remember the time. Assemblage requis. Léa Tessier qui est avec nous pour sa petite chronique de mashup musical où les styles se mélangent comme toujours. Répète-nous encore une fois le concept de ta chronique d'aujourd'hui. Tu as choisi une thématique compliquée pour la semaine de relâche. J'ai choisi le Two Step Garage. Ouais. On va enfin y arriver. On va y arriver. Two Step Garage. Qui est tiré du R&B et du UK Garage. Mm-hmm. Il nous reste une troisième pièce à entendre. Celle-là, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter notre ami Michael. N'est-ce pas? Non. Ça va. Non. On le connaît bien. Oui, j'ai pas présenté les artistes, là, en fait. Non, c'est ça. Est-ce que tu veux les présenter? Non. Non, c'est non. J'ai rien préparé sur eux, désolé. Laisse faire. Qu'est-ce qu'il nous restait à dire? Bah, le Two Step Garage, justement. Donc, en fait, dedans, il y a... Il y a des éléments du UK Garage. C'est le rythme qui est instable. Ouais. Enfin, comme on l'a vu. En fait, c'est fait avec des... C'est un peu technique, c'est avec des hi-hats. Ok. Hi-hats. Mmh. C'est un peu, c'est sur les batteries, les chapeaux au-dessus. Oui. Voilà, oui. Et bah en fait, le rythme il est fait avec ça. C'est un son assez aigu, je sais pas si vous voyez quel son ça fait. On entendait quand même, ouais. Voilà, et bah en fait, il y a ça. Le rythme qui est pas stable, il y a aussi des éléments de dub et de hip-hop. Mmh. La dub, ça vient du reggae. Ouais, ok. Voilà, et sinon. Dans le R&B, c'est les instruments comme guitare, piano, mais bon, dans la musique que j'ai mis, il n'y a pas de piano. Non. T'aimes pas le piano, c'est quoi? Si, j'aime bien. J'en ai pas trouvé avec du piano. Ok. Je pensais que t'avais une aversion à ça parce que t'avais des cours de piano quand t'étais jeune. Puis tu t'es dit, plus jamais je vais faire du piano ou jouer du piano. Non. Puis sinon, on voit aussi les voix féminines ou les voix masculines jolies, comme dans le R&B. Ouais. Et donc, voilà. Voilà, ça veut dire qu'on est prêt à entendre notre troisième artiste. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est Artful Dodger. Mm-hmm. Avec la pièce, est-ce que tu sais? C'est Rewind. Voilà, dans le mashup musical. Making moves, yeah, on the dance floor, yeah. Gotta move on, dancing, yeah, real hardcore, yeah. From the front to the back, that's where I was at. You know, the young would try to do it like that. With Craig David all over your DJ, it's all up to you. When the crowd go wild, tell me what you gon' do. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. This goes out to all the DJs. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. This goes out to all the DJs making moves, yeah, on the dance floor. Gotta move on, dancing, yeah, real hardcore. From the front to the back, that's where I was at. You know, the apple died to do it like that. With Craig David all over your DJs. it's all up to you. When the crowd go wild, tell me what you gon' do. Making moves, yeah, on the dance floor. Artful Dodger avec la pièce Rewind. J'espère vraiment qu'il y avait une machine à effet sonore chez lui et qu'il n'y avait pas un accident de char, sinon à chaque phrase qu'il disait, parce qu'il y avait des accidents de char, des alarmes, des trucs comme ça. Il était obsédé par les sons. Artful Dodger, Léa Tessier, qui est dans sa chronique Mashup Musical. On vient d'entendre ça, puis c'était, encore une fois, différent. Oui. Mais je pense que c'est ma préférée des trois. Je pense que je l'aimais plus que Michael Jackson. Mm-hmm. Ben, en fait, pendant l'année 2000, au Royaume-Uni, elle était numéro 2 dans les charts. Arrête donc, pour vrai. Là, ça me surprend pas. Je sais pas comment on dit en français les charts. Ouais, les genres de palmarès. Oui, voilà. Les hit-parades. Voilà. Elle a eu beaucoup de popularité en 2000. Eh ben, un petit succès de novelty, tu sais, c'est toujours le fun. On rappelle qu'on parlait de Two Step Garage, hein? Mm-hmm. C'est ça? Je me suis pas trompé ce coup-là. Oui, c'est ça. Non, quand même. On a fini par l'avoir. Maintenant, je comprends. Je vais pouvoir raconter ça à tout le monde, maintenant. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Léa Tessier et son mashup musical, merci beaucoup. Toujours à l'Assemblage Requis, Gabriel Béaud, dont t'accueille officiellement pour le reste d'émission. Salut, ça va? Oui, toi? Ouais, tu vas être avec moi pour le reste d'émission? Oui. Pour co-animer ça? Oui. En remplacement de Tania? Oui. Oui. Tu as remarqué qu'on a un nouvel invité en studio? Ben oui. Il s'en vient tantôt, c'est Marc Gagné. C'est Stan. Avec sa chronique, il n'y a pas de titre, puis pas de concept non plus, fait que c'est vraiment n'importe quoi. Mais il n'y aura peut-être pas d'effet sonore, par contre. Ah, on verra. À moins que je ressorte la cloche. Peut-être. Parce que c'est notre seul effet sonore. Nous verrons bien. Mais avant ça, on écoute Victime avec la pièce Fatigue à Assemblage Rock. Chris. Mais oh, sac pas. vous êtes assez fou. 89.1. On the screen, we have all the information now, but what does it mean? Reasons are teased. Drank up all that hemlock, here I am just reading the leaves. Left wondering what happened to the life we lost that got lost in the living. And all this fiction makes me nervous. Turns out it was blood spilled on the canvas. We admire just like some Rorschach painting. The film in your brain, it edits to a man but keeps the sacrificial violence, all those passed over in silence, then cast out with the blame. And I'm trying to stay sane. Meanwhile, the river of forgetfulness, it starts spilling the paint. Rorschach, assemblage requis. Toujours avec Gabriel Béhoud qui remplace Tania aujourd'hui. Allô. Salut. Et moi-même Mathieu Plante. Maintenant, c'est Marc Gagné qui est avec nous. Marc. What's up? Salut, Marky Mark. Salut. Ça va bien? Ouais, comme ils disent, long time, nous aussi. Et effectivement, ouais. Tout le temps des raisons hein, pour. Ouais, tout le temps des raisons. Ben, tu sais, moi, je vais à l'école, puis tu sais, je suis comme le plus lent de la gang. Fait que tu sais, faut comme que je compense mon temps. de façon correcte, mais okay. en étant lent. T'as comme mais... un anti-TDAH, genre? Ouais, c'est... mais j'essaie de dire que c'est pas un TDAH, mais plutôt que, tu sais, je suis un très grand rêveur à la place. Ah. Là, je me trouve des raisons comme ça, là. Ah, c'est beau, ça. Plus poétique, c'est moins... C'est moins ça passe... En tout cas, ça passe mieux que TDAH. On dirait c'est que c'est bizarre, un peu. Ça fait trop médical, TDAH, un ouais, peu, c'est hein. ça. C'est « Hey, t'es sémédic? Ben, » C'est ça. Je sais pas s'ils vont trouver un nom pour ça quand t'es là. C'est médicalement parlant, comment est-ce qu'on appellerait ça? TDAH. Mais anyway. Bref, ben, moi j'ai. Sans H. Sans H, ouais. Sans H, c'est comme hyperactif. Ouais, c'est ça. Mais bon. Moi j'ai. TDAL. TDAL. Avec David Ferron, qui est aussi TDAH et arrête pas de le dire, j'ai inventé la formulation TADA! C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. J'ai un TADA! Ah oh, ça ouais, mieux. Ça, ben, mieux. ça fait plus spectaculaire. C'est là. exactement ça. T'as l'impression d'avoir un lapin dans tes dans tes pantalons, dans ton chapeau. Comme un chapeau, un magicien. Donc Marc Gagné, ça pour dire qu'il est là pour sa petite chronique qui a pas vraiment de thématique. Donc je pense qu'on appelle ça maintenant la chronique pas de sujet mais un squelette. Ouais, ou pas de concept mais un squelette. C'est ça. Et pas de Patrice Lécuyer non plus. Non. Comme mais pas de placard. Non, c'est ça, exact. Mais tu vas nous plaquer du contenu d'en face parce que tu nous parles de cinéma et de super-héros aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'ai écouté un peu les Oscars, tu sais, j'ai trouvé que Jimmy Kimmel, il était vraiment excellent, là, puis... Ouais, il aurait dû le faire animer par un ballet Oscar. Ouais. Oui. Ouais, c'est... Ou par Jimmy Kimmel. Ouais, ou Jimmy Kimmel, c'est ça, mais moi, je suis plus là, tu sais, pour vous parler de super-héros, là, parce que là, il y a une méga patente qui sort de plus en plus, tu sais, il y a Black Panther qui est sorti récemment. Justement, tu sais, je me tourne vers DC Universe sur Netflix, ils ont sorti récemment Black Lightning. Je sais pas si vous avez connu ça. Ouais, j'ai vu passer. Ouais, c'est moyen, c'est juste ça que j'ai à dire. Mais c'est ça, tu sais, il y a plusieurs bons films qui sortent encore sur le Marvel, particulièrement Avengers Infinity War partie 1 qui sort le 25 avril, réalisé par Anthony et Joe Russo, qui sont justement les deux réalisateurs qui ont fait Civil War, qui est un excellent bon film aussi. Mais du côté de Infinity War, moi je me suis intéressé, tu sais, premièrement, il y a un casting de fou pareil dans ce film-là. Là, on parle encore une fois de Robbie Downey Jr., Tom Holland, le nouveau Spider-Man qui va être là. Tu l'appelles Robbie, toi? Robbie? Oui, Robert. Non, Robert. C'est Robert. Ah, c'est Downey. C'est Bob. C'est Bob. Bob Downey Jr.? C'est ça. OK. Pas pire. Puis ouais, c'est ça. Puis en plus, Thanos, qui est genre l'un des méga vilains de Marvel, pareil. Mais moi, je me suis intéressé encore sur le budget. Ah oui. Et ça a l'air que pour les deux parties d'Infinity War, ça tourne autour de $1 milliard, dont, tu sais, $500 millions pour chaque partie. Fait que, tu sais, on espère qu'il va être bien investi. On espère que ça sera pas une déception, là. Quand même, puis... Le scénario est pas ce qui coûte le plus cher dans le film, tu sais, puis c'est probablement important, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ça doit être weird, là. Encore une fois, ils doivent travailler encore avec une coupe de fond vert en arrière. Ben oui, c'est ça. Puis, hey boy! En tout cas, ça doit être fou être un acteur de super-héros pareil. Faut tu t'appelles Bob. Pour ouais, le savoir. C'est ça, ouais, tu dois avoir un de ces méga contrats, là, c'est comme... Ridiculement élevé, là, comme ouais, salaire ouais. d'acteur. Son ouais. super pouvoir, c'est de faire du cash. Probablement. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, 500 millions, ça dépasse le record du film qui a le plus gros budget, là, okay. plus que Avatar puis plein d'autres films comme ça qui ont quand même coûté énormément cher. Mm-hmm. Fait que, comme je l'ai dit, on espère que pour ce nombre ultime d'argent, ça sera pas une déception, mais moi, je suis sûr et certain que ça va bien passer, ça va être excellent. Mais je parlais de contrat de super-héros dernièrement, tu sais, puis je me souvenais que Ryan Reynolds avait déjà fait Green Lantern, puis là, il est maintenant passé de Green Lantern à Deadpool. Ouais, c'est deux super-héros. C'était pas sa game. Imagine s'il était censé en faire un 2, c'est comme non, moi j'annule mon contrat, je m'en vais jouer Deadpool. Qu'est-ce que tu fais si t'es plusieurs super-héros en même temps, puis qu'il décide de faire un film genre Deadpool and Green Lantern? Ça serait pas pire? Ouais. Ben, ça serait bizarre, là. T'aurais Ryan Reynolds, puis un rouleau de papier foil Reynolds. Ça ressemble, ouais, sûrement. Puis un balai à score. Ou une lanterne verte, puis Deadpool qui rit de la lanterne verte. Je sais pas. Mais il y a le 2 qui va sortir le 1er juin, justement. Ça va être réalisé par David Leitch. OK. Justement, ils ont changé de réalisateur. Je pense que c'était... Hey boy! Ça, c'est difficile hein, quand tu changes de réalisateur parce que ça change tout, ça. Ben ouais, ben c'est ça, exactement. Ça change de couleur et ainsi de suite. Puis moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment impatient de le checker. J'ai adoré le premier, mais dans le 2, ce qui va être cool, c'est qu'on va voir un de ces super-héros qui a été né à partir de 2 X-Men, dont Dark Phoenix puis Cyclope, là. Ah, mais dans le ouais. futur, puis ce gars-là, il s'appelle Cable. Puis Cable, il a comme genre les pouvoirs psychiques de Dark Phoenix, puis en même temps, ben, il a un œil rayon X comme Cyclope, tu sais. Il s'appelle Cable, puis il a le pouvoir affilé du câble. Ouais, ouais. C'est ça, exact. Mais je sais pas, deux super-héros ensemble, super peluche. Ouais, ouais, ben ça a l'air qu'ils vont coopérer ensemble, puis tout ça, ouais. Là. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, là. Mais c'est tout le temps ben drôle, le monde de Deadpool, c'est comme il manie ça à sa façon, puis il parle devant la caméra, puis bon. Ah, j'aime ça, c'est ouais, comme c'est des apartés, brise le quatrième mur, à ouais. mieux, là. C'est ça, exact. Tu sais, c'est comme le personnage de son propre film, tu sais, il sait très bien qu'il est dans une bande ouais. dessinée, puis tout avouez ça. Mais avouez que s'il y avait un film de super-héros québécois, Manolo serait pas pire là-dedans. Manolo? Oui, c'était l'expert des apartés. Ben oui. Manolo. Un petit Deadpool québécois. Dans Random. Là. Ouais. Dans Random. Ben oui. Ben moi, je suis sûr que. D'ailleurs, j'ai parti un blog là-dessus. Je suis persuadé que Manolo avait des super pouvoirs. Oh! Mais bon. Et que tout était dans sa tête, c'était la drogue. Exactement. Ces histoires-là. Hey, c'est vrai. Puis en plus, Random, c'était vraiment le genre d'émission où c'est qu'il regardait tout le temps la caméra, puis là, il s'exprimait. Exactement. Puis après ça, il retournait dans le film Manolo. De l'histoire. Surtout, ouais, ouais. Ah, c'est Manolo. Oh my god. Deadpool qui le fait? Deadpool? Voilà. Ouais, ben ouais. Puis c'est ça, je passe à un autre film également, Ant-Man. Je sais pas si vous avez écouté ça, ce film-là, réalisé par Peyton Reed. Donc c'est Paul Rudd qui fait Ant-Man. C'est ça, mais moi à chaque fois que je parle de Ant-Man, je suis tout le temps obligé de faire la parenthèse de comment ça se fait que, tu sais, Spider-Man, t'sais, on l'a appelé l'homme araignée. Ouais, mm-hmm. Puis là, il y a un gars qui c'est une fourmi. Fourmi, c'est... mais on l'appelle pas l'homme fourmi. Ouais, mais tu sais... Ça fait moins quelle heure, un petit un peu. Peu moins. Ouais, mais en même temps, ça, c'est un film très... très drôle là, en partant, puis là il y a le deuxième qui va sortir qui va s'appeler Ant-Man et la Guêpe. Ça sort le 18 oh, wow. juillet. La Guêpe qui est comme sa copine là. Okay. Fait que j'ai une femme Guêpe. Ouais, c'est une femme Guêpe. Sa copine, hein. C'est pas sa némésis. Ben, c'est sa copine, ouais. On verra ça. On verra ça quand il va sortir. Mais moi, j'ai adoré ça. Ils aiment plus gros qu'elle, hein? Parce que fourmis pis guêpes. Eh hey boy, hein? la guêpe tue des fourmis. C'est t'sais. Ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que quand ça travaille ensemble, ça te fait un méga duo de solide. Puis évidemment, ces deux personnages-là, on va probablement aussi les voir dans Infinity War, okay. partie 1. Fait que ça va quand même être fou. Je vais dans le côté plus dark. Ce fameux super-héros qui a eu des symbiopes de martiens, je parle de Venom, qui sera quand même... qui paraît quand même comme un film d'horreur, particulièrement, okay. où c'est que c'est Tom Hardy qui va faire Venom. Puis ça, c'est vraiment avec Sony. Puis il y a eu un drôle de conflit avec Sony, particulièrement avec Spider-Man. C'est que, tu sais, avant Spider-Man, c'était Tobey Maguire, puis là, c'est ça vrai. A été changé pour Andrew Garfield, puis là, ça a été changé pour Tom Holland. On reboot ça là, à chaque examen. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, ils font comme un retour avec Venom, mais plus dans la période sombre de Andrew Garfield quand il faisait Spider-Man. Mais là, c'est, ce qui est plate avec ça, c'est qu'il n'y en aura pas de troisième. Okay. Puis il y avait même eu certaines rumeurs qui disaient qu'il allait avoir un autre casting de Spider-Man, mais avec Dylan O'Brien. Mais là, je vous rassure, tout le monde, c'est un fake. Ah. Je suis tellement content. Mais je savais que Andrew était pas si mauvais, moi. Il pas était aimé. Excellent. J'avais trouvé bon, moi. Ouais, c'est pas lui qui a l'air d'avoir 12 ans. Non, ça c'est non, l'autre. Non, ça c'est l'autre. Ouais, ça là, il est plus familial, je okay. te dirais. Celui avec Andrew Garfield, il est plus, je dirais, bien riche en scénario, mm-hmm. je pourrais dire. Là. Puis très sombre à quelque part, là, parce que là, tu sais, il y a vraiment ouais. des gens qui meurent là-dedans, mais brutalement. Fait que. Puis c'est une pause. Je te dirais que c'est comme la période noire de Spider-Man, ce film-là. Les okay. deux, là. Puis ouais, moi, j'ai adoré ça. Sérieux, là. C'est plate qu'ils pourront pas en faire quand un troisième. Avec lui, ouais. Ben ouais, c'est ça, exact. Parce que Tom Holland, c'est plus enfant, là. Tu sais, il a comme genre 14 ans, là. Mm-hmm. Mais en vrai, je me demande l'acteur à quel âge, parce que je crois qu'il est loin d'avoir 14 ans. Ouais, ben c'est ça. Mais il a l'air d'avoir c'est pareil lui comme condamné. Dans ouais, c'est ça, son casting, condamné à jouer des ouais, des enfants. Mais ce qui va être le fun avec Tom Holland, c'est qu'avec le temps, on va le voir grandir, ouais. tu sais, puis à un moment donné, parce que c'est ça, tu sais, Spider-Man, c'est considérablement le héros le plus jeune de Marvel. Fait que justement, lui, il apprend à grandir avec. il est jeune, fait qu'il apprend des affaires, puis il apprend à devenir la plus maturité. Fort. La maturité, ouais. C'est ça, exactement. Puis pour finir, je sais pas, ça c'est weird un peu, X-Men, ça continue toujours. Puis je te dirais que la nouvelle version avec Magneto, aussi que c'est Michael Fassbender qui le fait, waouh, ça c'est vraiment des excellents films de X-Men, sérieusement. Puis là, il y a Dark Phoenix qui va sortir bientôt, là, vraiment, là, ce qui est censé être l'épisode le plus légendaire de X-Men, où c'est qu'on voit, la personnage qui a des pouvoirs psychiques, là. Puis j'ai hâte de voir comment ça va sauter, comment ça va arriver. Ça sort le 31 octobre 2018, en plein Halloween. Oh. Fait que décidez-vous tout en X-Men ou peu importe. Je pense que t'as pas besoin de le dire, ça va être fait. Je suis sûr que les gens vont faire ça. Ouais, ils vont tout comprendre ça. Ouais. Du côté de DC Universe, il y a des choses qui vont pas bien avec DC Universe. Êtes-vous des fans de ça? Je suis fan de... Moi, j'adore Batman. Ouais, mais moi aussi, j'adore Batman, mais particulièrement, tu sais, quand c'était Christopher Nolan qui le faisait, là. Mm-hmm. Comment tu trouves ça, toi, avec Ben Affleck? Je les ai même pas écoutés. Ah, oh, OK. Tu vois? Bon. Ramener George Clooney. Michael Keaton. Michael Keaton était bon en ça, ouais. C'est Batman. Ben ouais, Michael Keaton, en plus... George Clooney, c'était celui où, à un moment donné, il se battait contre Schwarzenegger, qui était l'homme de glace. Ouais. Là, il pop des petits patins glaçons. À glace. Ouais. Ça, c'était... Ouais, mais avez-vous remarqué que les fesses étaient mises en évidence là-dedans? Ouais, c'est incroyable. Oh boy. Mais c'est la public cible, c'était les jeunes enfants. Ouais. Et c'était les mamans qui les apportaient au cinéma, j'imagine, qui ont fait comme le calcul, bon... C'est lui qui avait des mamelons sur son habit. Oui. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, mais Michael Keaton, moi, je te dirais que c'était comme celui qui passe comme légendaire, parce qu'en plus, c'était réalisé par Tim Burton, puis pour ceux qui savent pas, le monde réalisé par Tim Burton, il est très imaginaire, tu sais, il est très... Tu rentres dedans, tu sais, pour un gars qui a fait Beetlejuice, puis... Il était fortement inspiré des premiers films allemands du cinéma, l'expressionniste. L'expressionniste. Ah, ouais. Mais en tout cas, intéressant. Mais votre moins préféré, Batman, Val Kilmer? Moins préféré de... George Clooney, dur à battre, là. Toi, tu trouves George Clooney? Dans les moins bons, je parle. Ah, dans les moins bons, ouais, c'est vrai. Si on parle le palmarès du pire. Ouais, c'est ça, c'est pas mal lui le plus difficile à faire. Mais il y avait aussi l'autre acteur avant, là, c'est... Il avait déjà incarné le rôle de The Doors, là, de James Val Kilmer. C'est ça, c'est Val Kilmer. Boy, ça, là... Ouais, c'était moyen Ouais, c'était moyen. J'aimais bien, moi, le... Il est maire dans les Griffin, comment il s'appelle, dans Family Guy. Ah, ben oui, Adam West. Ouais, Adam West. Ça, c'est le Batman des années 60. Adam West. Ça, c'est un bon, lui aussi. Ils ont fait un cartoon, hein, justement, sur le vieux Batman avec Adam West, justement. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, ça a l'air que c'est bien humoristique, là. Ouais, c'est bien bon, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est ça, tu sais, ça marche pas trop bien pour DC Universe. Il y a la Ligue des Justiciers qui est sortie récemment. C'est eux autres, les Fantastic Four, non? C'est qui, ça? Parce que ça a pas marché. La Ligue des Justiciers, c'est Flash. Okay. C'est celui qui va super vite. Ouais. Ensuite, il y a Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman. Ouais. J'en manque un, Cyborg. Okay. Cyborg, oui, qui, c'est vrai. Qui a comme un. Il y a l'extraterrestre, là. Il est pas là-dedans, lui. L'extraterrestre. D'un bonhomme, il était là-dedans, je m'en rappelle. Il y avait un extraterrestre qui passe. Là, on parle pas de Darkseid, là. Non. C'est pas un méchant, c'est un gentil. Il faisait partie de la Justice League. Oh boy. Il y en a trop pour moi. Anyway, moi j'avais juste écouté Batman contre Superman. Puis on dirait que Lex Luthor là-dedans, il voulait comme imiter le Joker, vu que c'était tellement un rôle excellent, le Joker. Mais t'es Lex Luthor, man. C'est là que Jesse Eisenberg fait C'est ça. Sérieux. Lui, s'il en a d'avoir 12 ans. Ben ouais, lui tout. C'est bizarre. Moi, je pensais qu'il allait être rasé, tu sais, comme l'image nature de Lex Luthor. Mais non, c'est ça. Mais là, il y a des petites rumeurs, là. Je me tourne vers les rumeurs, là, juste pour dire que ça va toujours pas bien, on dirait, pour DC Universe. Mais il existe... Ils veulent comme intégrer un anti-héros dans le monde de DC Universe, puis ils prévoient mettre Lobo. Puis pour ceux qui savent pas de quoi il a l'air, Lobo, il a des yeux rouges, il a la face toute blanche, c'est un martien. Okay. Lui, ça a l'air que pendant sa naissance, quand il a été mis au monde, il avait mordu les doigts de l'infirmière, puis ça a fait de lui comme un mauvais garnement. Un mauvais bébé. Non, un mauvais bébé, exactement. Puis ça a l'air qu'il a fait sauter sa planète au complet, puis en tout cas, c'est le genre de super-héros, genre Deadpool, mais version DC Universe. Okay. Il est comme vraiment gros, vraiment musclé, tu sais, puis il s'habille comme un genre de moteur badass qui conduit une moto pis des affaires à main. Avec une moustache tatouée. Ouais, peut-être. Une moustache tatouée. Ouais. La moustache, c'est un genre de tatou. Mais ça me rappelle l'histoire de la moustache de. Je me rappelle pas, c'était qui? C'était celui qui était obligé de se faire retirer sa moustache par ordinateur parce que son contrat lui permettait pas de raser sa moustache. Récemment? Hey, Burt Reynolds? Non, récemment. Ouais, c'était récemment. Ah, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus. On avance des choses qu'on n'est pas au courant. Ils ont enlevé sa moustache à leur vie. Je te jure. Dans le casting, il fallait vraiment qu'il y ait personne d'autre que lui. Là. C'est vraiment la moustache de Superman. J'ai les photos ici. Sa photo, ses lèvres ont été À demi-premierées. Parce qu'il n'y avait pas le choix de garder sa moustache. Pour un autre film. Pour un autre rôle, il n'y avait pas le choix. Oh boy, on dirait qu'il s'alignait pour faire un russe pendant la guerre mondiale dans un film. Je sais pas, il a l'air de ça. Sérieux. C'est flou, ça marche pas en tout. Tapez moustache. Puis c'est mais parlant de Superman, c'est ça, Lobo, dans le fond, c'est censé être un personnage qui a la force physique égale à celle de Superman. Okay. Puis ça a l'air qu'il y a des histoires qui racontent que c'est l'un des super-héros qui s'est mis une radio dans la tête pour sans cesse faire jouer de la musique métal dans sa tête. Il est quand même assez débile. Il est immortel, il peut se régénérer même à partir d'une goutte de son sang. Okay. Assez débile, le gars. Puis il n'a pas besoin de mordre d'une infirmière à chaque fois. Hein? Il n'a pas besoin de mordre une infirmière à chaque fois. Non, c'est non, ça. C'est une exact. Fois, ça, quand il était bébé. Ouais, mais tu sais, comme Wolverine, il peut se régénérer, sauf que lui, c'est si vraiment il tombe en morceaux, il peut se régénérer à partir d'une goutte de sang ou des affaires de même. Puis, il y a un point faible. Il est en amour avec ses dauphins de l'espace. Fait que là, pas, si hein? tu t'en prends, c'est dauphin de l'espace, et boy, il sera pas content. Mais là, des dauphins de l'espace, ça veut dire qu'ils nagent dans l'espace. Oui. OK. Ouais, quand même... c'est ça. Est-ce qu'il y a de l'eau dans l'espace ou est-ce qu'il nage dans l'espace? Il nage dans l'espace. Dans l'espace. Ouais, c'est ça. Pour ça que j'appelle ça les dauphins de l'espace. Wow. Mais il y a des rumeurs qui racontent que ça serait probablement Michael Bay qui va réaliser le film de Lobo. Ça fait partie de ses projets. Donc des explosions de dauphins dans l'espace. Ben oui, des explosions de dauphins. Aussi la femme qui est très, très, très mise en évidence pour les courbes. Aussi, tu sais, souvent quand j'écoute un film de Michael Bay, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai envie de boire un Coke après. Oui, un Heineken. Je sais pas pourquoi. Même que des fois, je vois des pubs de Victoria's Secret, je me dis, bon, je vais aller m'acheter des sous-vêtements chez Victoria's Secret. Sans vergogne, là, c'est même pas subtil. Ils sont vraiment mis en évidence. C'est comme, il y a un autobus Victoria's Secret qui explose, puis c'est comme, le Victoria's Secret, il est encore correct, mais le restant de l'autobus, il explose. Ouais, c'est ça. C'est parfait, c'est fou. Exact. Fait que c'est ça, ce qu'ils veulent, en fait, c'est faire un genre de Deadpool version DC Universe, mais, tu sais, Michael Bay, même lui, des fois, j'ai de la misère avec. Déjà qu'il a détruit les Transformers, puis les Ninja Turtles, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec un film comme Lobo. Fait que, on va voir ce qu'on va voir. Un héros vraiment moins connu. Ouais, c'est ça. Ouais, pas c'est du ça. Tout avant les ce enjeux matin, sont moins élevés qu'avec... Là, c'est ça. Ouais, mais Ninja Turtles, on s'entend-tu qu'aujourd'hui, nos jeunes connaissaient pas ça? Ben, il y a encore eu des cartoons qui ont perdu. Ah, des jeux vidéo aussi, ouais. Pearls in Time. Ben oui, man, meilleur jeu. Jeu de malade, mais... les trois avec ça puis comment il y en a un que tu pouvais jouer à quatre hein? Moi ouais, je rêve de ça, jouer c'est, à celui c'est pas Turtles in Time ça ben c'était lui, pas celui jouait qui tout. Jouait sur l'arcade là c'était il se faisait pas sur Super Nintendo en tout cas ça, on va jaser longtemps de ouais, ça je pense on a le temps masse. Mais je retiens quand même que Michael Bay a fait un film c'est celui qui a fait le film à plus petit budget là c'était No Pain No Gain. Vraiment, okay, là. C'est au début de sa carrière, j'imagine, non? Non, c'est après Bad Boy 2, puis tout ça. Ouais, okay. No Pain, No Gain avec Mark Wahlberg, Dwayne Johnson. Oh. J'ai écouté ça sur Netflix une fois, j'ai ri ma vie, man. C'est l'histoire de trois gars qui vont souvent au gym, tu sais. Il y en a un qui est ses stéroïdes, il y en a un qui tripe bien gros sa cocaïne. Okay. Puis il y en a un que lui, c'est un entraîneur, tu sais. Puis ils réussissent, dans le fond, à voler l'identité d'une personne qui est pleine de cash. Puis lui, dans le fond, il veut voler son identité parce qu'il trouve que c'est pas un bon gars. Puis tu sais, lui, il dit les bons gars, c'est eux autres qui méritent leur bonne place. Fait que là, il a volé son identité. Puis je sais pas comment il a fait, mais ça, ça a l'air que ça a été inspiré d'une histoire vraie. C'est vraiment. Une recherche très approfondie. Ah ouais, c'est. Il y a des gars qui ont été assez futés. Puis tu sais, en plus, tu sais, je veux pas le dire, là, mais tu sais, c'est des gars super musclés. Ouais. Là. Il était futé. Puis en tout cas, si je peux parler d'une scène dans ce film-là, il y a une fois où c'est que Mark Wahlberg, il dit à Dwayne, tu sais, il voulait tuer quelqu'un. Ils ont tué quelqu'un par accident. Il dit brûle les empreintes. Puis là, Dwayne Johnson, il a pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait dire par brûle les empreintes. Fait qu'il a fait cuire ses mains. Ouais, ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est ce que j'aurais fait. Voilà tout. Fait que, ouais, ben c'est ça. Fait qu'on espère que ça va être un succès ou une déception, peu importe. On espère une déception, selon toi, c'est ça? Ben... Tu dis que t'espères un succès ou une déception. On s'attend. Un ou l'autre, mais je vais quand même l'écouter pour y faire plaisir, okay. Vu que moi, j'écoute n'importe quoi. Est-ce que t'aimes écouter des mauvais films? Ouais, dans mes phases plates de ma vie, j'aime ça écouter des films plates. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça. Y a-tu des films tellement mauvais qui sont bons? Ouais, c'est ça. Exact. Puis t'en parles aux gens, puis tu trouves ça drôle de voir que, tu sais, ça parle de autre chose que, mettons, de Shape of Water, tu sais. Ah, ben là, c'est trop profond pour toi, ça. Ça a gagné trop de scores, trop de balais. Hey, ça a gagné beaucoup de scores, ouais, mais j'ai en même tout cas. Vu, moi. Non, moi non plus. Pas le synopsis ou. Ben, en tout cas, j'ai vu sur les affiches, il a l'air d'avoir un genre d'extraterrestre ou une bête. Ouais, ben, c'est une bête qui vit dans l'eau, ouais. Là, justement, puis il y a une histoire d'amour. Histoire d'amour parce de qu'on ça. Les voit quasiment s'embrasser sur le poster. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, mais je serais quand même curieux de l'écouter. Là. Ouais. Ça a comme été produit et réalisé par la personne qui a fait Pan's Labyrinthe aussi, okay. Qui a quand même été aussi un succès. Ouais, c'était bon. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, on va voir qu'est-ce qui va advenir pour The Shape of Water. Mm-hmm. Puis sinon, Blade Runner 2049, ça aussi, hey, je l'ai pas encore vu. Ah, lui, c'est clair que plus. Ça va devenir un succès. Ah! Moi, je l'ai pas vu. Puis pourtant, le premier Blade Runner est tellement excellent. Ça a l'air que c'est un classique. De science-fiction, ouais. Là. Blade Runner 1, t'as jamais vu Blade Runner? Non, pas tout. Science-fiction, moi, je connaissais pas ça avant. Blade Runner, l'âge c'est de pas mal 20. Le film de science-fiction autre que des films de science-fiction plus mainstream, genre. T'sais, Star Wars, c'est science-fiction, mais en vrai, c'est complètement autre chose, je trouve. Là. Tandis que Blade Runner, ça ressemble vraiment à un film policier qui se déroule dans un univers. Puis ils ont Harrison Ford en commun, je pense. Oui, ouais. C'est ça. Ouais. Harrison Ford. Oui. Puis ce film-là, il est réalisé par Denis Villeneuve. Ben oui, Denis Villeneuve. Félicitations. Mais t'as jamais vu le premier, je te le conseille chaudement. Je vais aller streamer ça. Mets ça dans tes favoris. L'acheter de façon légale. Ouais, je vais l'acheter en VHS. Hein. C'est ça. Voilà. Achetez-vous tout un VHS, ça s'en vient à mode. J'ai comme trois VHS chez nous, mais je prévois la mode revenir. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, tout comme il y a eu la mode du vinyle qui est de retour, moi, je suis sûr que le VHS. Ça va faire retour. C'est beau le VHS. Ben ça, ouais. Ce qui était le fun, c'est les. Chez nous, on avait ça, là, une étagère remplie de VHS. Ouais. Là. Ça pèse 2000 tonnes. C'est beau. Tous tes films sont alignés. Puis t'es capable de lire la. Oui, parce que c'est pas mince. Ouais. Nous autres, on était révolutionnaires parce qu'on avait le VHS avec le DVD. Ouais, dans le même. Ouais. Là, ça coûtait une beurrée, ça, acheter ça, là, d'avoir. Puis tu pouvais transférer. Oui! Graver ça, exactement. Ouais, tu pouvais graver tes VHS en DVD. Ça, c'est fort. C'est grave. Dans la courte période de transition. Ah, ça a duré 6 ans. Pas 6 ans, mais 6 mois. Ouais. Où c'était vraiment in de faire ça. Là. C'est comme les TV qui avaient lecteur cassette VHS dedans. Ça, c'était malade. Ça brisait tout le temps, puis là, t'as plus de TV parce que fait que t'as envoyé ton magnétoscope TV en réparation. Ben, tu sais, quand tu louais des films, fallait tout le temps que tu recules la cassette avant de la ramener. C'est pas une rewind. C'est ça, hein, quand tu louais le film, tu voyais que ça arrivait au milieu du film. Bon, la personne qui l'a loué a pas reculé la cassette. Ben là, parce que ça volait des punchs, là. C'est ça. Incroyable. Si on regardait la scène de fin une deuxième fois, après, il met de l'argent. C'est ça, il arrivait tout de suite à la fin. Ah non, j'ai vu à la fin, bon, j'écouterai plus le film. Ça. Exactement. Mais les clubs vidéo, on a encore une politique de si t'aimes pas le film, tu peux le ramener? Je pense que oui. Ben, ça fait peur, que... ça. Ben, parce que t'as deux heures pour regarder. Mais d'après moi, les... club vidéo, il emmène moins large qu'avant avec tous les systèmes disponibles en ligne. C'est ça. Tu sais, aux États-Unis, il n'y en a plus vraiment de club vidéo tant que ça. Au Québec, il y en a encore. J'ai un ami qui m'a parlé d'une promo qui était comme au Vidéotron, je crois. Lui, pendant quelques instants, il était en transition entre deux compagnies de câbles distributeurs. Ouais. Donc, il avait pris d'abonnement. C'est quelque chose comme 12$, puis tu as un mois de cinéma illimité. T'as le droit de louer n'importe quel film à partir du moment où ce n'est pas une nouveauté. Ah, mais c'est quand même cool, ça. Film ou série. Ben ouais. Ça coûte 12$ dans le mois. T'sais. Ouais, j'aime ça. Aux États-Unis, il y a MoviePass aussi qui est 10$ US par mois. Tu peux regarder un film par jour en cinéma. Tous les jours. Ah ouais, c'est en cinéma. Malade. C'est vraiment cool. Fait que le cinéma maison. À partir du moment où tu y vas deux fois, t'es rentré dans ton argent. Exactement, tout à fait. Ouais. Wow. Ça compte pas le popcorn, mais bon. Non, ça, c'est sûr. Hey, c'était le fun de parler de cinéma. Moi, je connais absolument rien au cinéma. Fait que Ben, super-héros, ça va être dans ta culture. Ouais, hein, c'est ça. Bon, je me fais parler de Lobo maintenant. Lobo. Oh, Lobo. On dirait un sans-abri et un hobo. Ouais, ça ressemble. Ça ressemble à ça. C'est pas une sorte de pomme aussi, le Lobo? Oui. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Puis c'est pas la chanson, vous m'avez monté le beau grand bateau. Merci, Marc Gagné, pour ta chronique cinéma aujourd'hui. Ben ouais, ben merci. Chronique à vous. Attends, c'est pas de concept, mais un squelette? Pas de concept, mais un squelette, pas de Patrice Lécuyer. Parfait. OK. Marc Gagné, on te retrouve la semaine prochaine. Là, ton beat va reprendre le jeudi, c'est ça? Ouais, ben. Oh j'ai, non! Ça va pas bien. C'est pas bon le lundi, c'est pas bon le jeudi. Ben, ça marche encore le lundi. Fait qu'on revient au lundi. On va, ouais, c'est ça. C'est drôle, Léa a dit la même chose, elle aussi devait transitionner au jeudi, puis tantôt elle a dit non, je vais revenir au lundi finalement. Ouais, ben, on dirait qu'on. Le lundi à la côte. On a tout un lundi matin de off, tu sais, parce que moi, je vais à l'école. Fait que, ouais. Bon. Hein? On s'en prend donc lundi éventuellement. Là, on c'est s'en ça. Parle. Merci, Marc Gagné. Ciao. En passant, Marc Gagné, je sais pas si t'as quelque chose à faire après, on termine ta chronique là-dessus, là, mais est-ce que t'as du temps pour rester avec nous? Peut-être. Parce que je me sens comme tout le monde en parle. Mais non, mais c'est parce qu'on a quelque chose de vraiment le fun en fin d'émission, puis j'aimerais on sort le 20 dans 3-4 minutes. Ben, le 20 ou d'autres choses, mais on va être 3, ça serait le fun. Ok. Bref, on s'en reparle. Ah, c'est bon. Avant ça, on écoute, tiens. Comme les films de super-héros, t'as Superman, Son of Superman, t'as tout le temps Bride of Chucky. Là, on a Fille de Personne 2 par Hubert Lenoir. Assemblage Chucky! suis venu te dire que tu peux changer. J'ai eu un avenir de femme libérée. Oui, supporter le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai eu un avenir de femme libérée. Oui, supporter. Et Filles de personne 2, c'est j'imagine la suite de Filles de personne 1, mais je l'ai pas vu cela non plus, fait que j'ai rien compris de la chanson. Au retour de la pause, on parle d'improvisation avec Gabriel Béhoud et Dans les coulisses de la lutte. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 8 mars 2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin a congé aujourd'hui. Elle est au jeu de la com. Pour ceux qui se demandent où est passé où, hein, c'est ça. Elle est en train de faire des compétitions, là, de se battre avec d'autres mondes pour gagner, j'imagine, un prix qui est sûrement genre un trophée, quelque chose du genre. Et en remplacement de Tania, on a deux personnes en ce moment. Gabriel Béhoud est toujours là. Oui. Oui, et Marc Gagné reste avec nous. Ben ouais, justement, parce que, tu sais, Tania, elle travaille pour deux hommes, fait que... Voilà, ben, ah, ben tu vois, ça. C'est ça. Hey, c'est vrai, c'est la journée de la des pour femmes. Avec les femmes. Oui, ben oui. Ouais, des femmes. Ouais. Avec aucune femme à l'antenne. Avec aucune femme. Ben oui. Mais et là, tout le reste de l'année. Oui. C'est pour comprendre, dans le fond, on l'aide. Pour Tania, c'est la journée de la femme. Prends congé. C'est les 364 autres. Oh, oh my God, hein? T'es excellent. Wow. Hein? Ça fait une belle couverture Facebook, hein? Ça. Oh! Hey, Gabriel Béhoud. Oui. T'es hot pour trouver des phrases, mais t'es aussi hot pour improviser dans la vie. Ben hein? Oui, j'en fais un petit peu. Donc voici Dans les coulisses de la lutte. Gabriel Béhoud, qui est le capitaine des Rouges. Salut! Salut Mathieu, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas parlé d'être ensemble. Ben oui, hey, ça fait. Ça devait faire un bon mois. Que je t'ai pas venu faire un petit tour ici? Facilement. Je pense que t'es venu genre en janvier une fois. Genre. C'est pas mal part de tout ça, c'est pas mal. Puis les gens qui sont là pour te remplacer sont 5, je pense. Oui. Ils sont jamais disponibles. Non, c'est ça, c'est comme une rotation de personnes indispo. On s'est parti à un petit groupe Facebook pour voir qui allait remplacer Gabriel à la chronique. Tu vois, ah, moi ça me tente, moi je peux pas, moi je peux pas. Ah, okay, on était rendu à un plan F, je pense. On cancelle. Laisse faire, il n'y en aura pas d'impro à l'émission, on va faire l'autre chose. C'est ça. Mais là, on reviendra pas sur chaque match qu'on a manqué depuis la dernière chronique. Bien sûr. À la place, on va. Non, bien sûr que non. On va à la place parler au futur. Oui. De ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Ça finit bientôt, cette histoire-là. En effet. Dans les prochaines semaines, ce qui s'en vient, reste un match régulier. Hein? Toute l'année, okay. Je te jure. On est au début du mois de mars, puis il reste un match régulier. Oui, parce que le 12 mars de la semaine prochaine, en fait, lundi prochain à 20h à la Chasse-Galerie, gratuit. Les Oranges, menés par Alexandrine Pichessier, affronteront les Verts de Francis Dugré-Lampron. C'est un match, c'est le dernier, aux couleurs d'ailleurs des Patriotes, de l'UQTR bien sûr, c'est le dernier match de la saison régulière. Puisqu'ensuite, le match spécial du 19, donc le lundi suivant. Toujours le lundi, oui. Oui, je sais pas si je peux vendre le scoop. Ben, on peut donner des indices. D'accord. Les années passées, on avait eu un match Poké l'huître. Oui. On a eu un Pou de l'huître avec Harry Potter. On a eu... Ex-l'huître avec les X-Men. Oui. Cette année, on s'inspire d'un jeu Vidéo. Vidéo. Oui. Killer Instinct. Non. Ni Mortal Kombat, non. Non. Mais ça aurait pu être vraiment cool, Mortal Kombat, mais il n'y a pas quatre équipes dans Mortal Kombat. En fait, ouais, c'est sûr, il n'y a pas quatre équipes dans Mortal Kombat. Je sais pas, mais tu veux diviser les joueurs en équipes pareilles, non? Moi, je vais dans la team à Sonya Blade. Sonya? Ben oui. Quel beau prénom, d'ailleurs. Ouais, Sonya. Non. Surtout quand tu mets l'accent sur le A. Ben, c'est pas le choix, c'est plus drôle. C'est complexe. C'est ça. Mais non, c'est un jeu vidéo qui a marqué plusieurs personnes, qui a brisé plusieurs manettes de Super de Nintendo 64. Ben, de toutes les consoles, là, c'est sûr que là, peut-être qu'on va se baser sur celui sur 64, mais il y en a eu d'autres à d'autres consoles. Oui. Plein d'œil. Ben, je pense que les plus mémorables étaient au 64, okay. À mon avis. Moi, oui. En tout cas, c'est ceux-là que j'ai joué. Formule OG. Oui, parce que c'était la console que mon cousin avait. Oui. Il y avait une console puis une piscine. Fait qu'il était très hot. Ah, il était vraiment. Il y avait un 64 puis une piscine puis une télé dans laquelle on pouvait mettre justement des VHS. Des VHS. Oh, wow. Fait que s'il faisait beau, on était dans la piscine une heure, on gamait une heure, on écoutait un film une heure. Vous jouiez pas à Nintendo 64 dans la piscine, par exemple. Non, ça c'est très dangereux, on vous conseille fortement, c'est ça. Mais bref, vous allez pouvoir faire le. Guess, ah, ouais. Prendre un guess sur le j'sais jeu. Je sais pas, Megaman? Non. C'est sûr que c'est un jeu là, que les gens jouaient en équipe, en gang, ben belle fun, là, ils faisaient le party pas mal. Là, ah ben, Mario Bros? Non. Ah. Un mot sur deux? Ah ouais, ah ouais, ah ouais, tu l'as. Ah ouais, hey, hey. Comment? Ben le jeu. Party! Ben c'est pas le jeu vidéo Mario Party, c'est bon. Pas. Ah, ok. Mais bon, ben je t'ai pas dit Super Smash Bros, mais non, c'est Mario Party. Ah, ouais, peut-être. J'ai hâte de voir justement comment ça va. S'il va y avoir justement les mini-games. Mmh. En tout cas, on verra bien. Est-ce que tu vas pouvoir te faire des ampoules sur le milieu de la dans pompe, le milieu de la main, ouais. Ouais. Ça avoue que t'as envie d'être là. Ah ouais, c'est sûr. C'est quand c'est le 19 mars. 19 mars, oui. Lundi. La semaine d'après, la session achève déjà, puis je me rends compte que j'ai pas fait de travaux encore. Mais ouais, c'est pas ouais, ça ouais, l'important. Aussi. La semaine de relâche, j'étais sûr que ça sert à se relâcher, mais ouais, j'étais censé faire des travaux, j'ai tout choqué ça. Ben, je m'enligne là-dessus après-midi. Sur te un vœu pieux, hein. Un vœu pieux, je pense. Mais le 26, là, on arrive vers la fin du mois, dans 3 semaines de ça. Ouais. La première demi-finale qui opposera la première équipe au classement à la dernière équipe au classement. Et la semaine suivante, ou vice-versa, peu importe, là, c'est la 2 et la 3e place qui vont s'opposer. Pour finalement avoir la grande finale le 16 avril. C'est quelques jours avant la fin de la... C'est une ou deux semaines avant la fin de la session, puisque on veut pas gosser les gens dans la dernière semaine de la session. Avec un... Surtout que d'habitude, la finale arrive dans un temps de l'année assez intéressant, où là, bien sûr, aujourd'hui, on peut pas le remarquer là, parce qu'il neige beaucoup, mais où il commence à faire un peu plus frais, c'est plus agréable à l'extérieur... des gens ont la terrasse va peut-être être ouverte. Oui, on le souhaite, c'est très le fun. Ça ressemble au match de début d'année où c'est justement ça. La terrasse est ouverte, il y a des gens jusqu'au milieu de la terrasse. C'est les meilleurs bouts de la saison. Ben, la finale, d'habitude, c'est un match assez relevé. Le début et la fin, là. Le milieu, mais, le début puis la fin. La saison régulière dans n'importe quel sport, c'est régulier. C'est pour vendre des tickets. C'est ça. Et en plus, après le dernier match, comme tu as dit, le 16 avril, ça va être le Gala Mollusque. Oui, le Gala Mollusque où on récompense de toutes sortes de prix, ma foi, plutôt loufoque dans certains cas, mais surtout des prix... joueur constructeur, joueur de l'année, joueuse de l'année. Un joueur constructeur, ça va être surtout le joueur qui met en place l'improvisation, par exemple, qui va installer le lieu dans lequel se passe l'impro, ou par exemple l'univers dans lequel se passe l'impro. Il va aussi faire les build-up parfois pour les joueurs qui sont plus punchers. Oui. Habituellement, je sais pas si à la lutte, je me rappelle plus, il me semble que non, il n'y a pas le trophée de joueur puncher. Je sais pas. Je ne pense pas. Mais on a le joueur le plus apprécié du public où il y aura un vote, justement, je crois, durant les deux demi-finales. Absolument, oui. Où les gens peuvent se prononcer sur leur joueur favori parmi les improvisateurs. De toute la saison, même ceux qui sont plus vraiment là souvent parce qu'ils sont en stage. Exact. C'est vraiment comme un... C'est pas le MVP directement puisque son équipe peut bien perdre en finale. C'est un concours de popularité. Non, lequel c'est ça. Le plus c'est rire. Ça, exact. Ouais. Ensuite... Il y a le joueur de l'année, la joueuse de l'année. Ouais. C'est pas mal ça. Est-ce que le joueur apprécié par ses pairs? Recrue, ouais, aussi. Ouais, ouais, le joueur recrue. Apprécié par ses pairs, me semble que non. Bref, mais il y a plein de prix, puis ça va être un petit 15-20 minutes là, après le match. Mais c'est quelque chose d'agréable. Puis ensuite, à l'intérieur de la Luître, bien là, vous n'êtes pas convié parce que c'est un club select, mais il y a plusieurs prix citrons qui sont remis. C'est pas public et une chance parce qu'il y a tout le temps le plus gros membre masculin. Mollusque, c'est ça, le mollusque. La palourde royale. La palourde royale, ça, exactement. Ça, c'est pas public. Non. Tu seras remporté toujours par la même personne. Tout le temps Alex Marchand, oui. Ouais. C'est dit maintenant. Voulez-vous? C'est dit. Et ça, il y a des ex-écos peut-être, non? À faire, je sais pas. Un jour. J'espère gagner ça un jour. On le souhaite. Bref, ça, c'est ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. Donc, on rappelle dans l'ordre le 12 qui s'en vient, Orange versus Vert. Exactement. 19, Ex-Luître, 26, demi-finale 1, 9 avril, demi-finale 2 et 16 avril, finale. Exactement. Et puis, peut-être pas oublier de mentionner que l'UQTR représente. La Luître représentera l'UQTR. La Coupe universitaire d'improvisation qui se déroule durant la fin de semaine du 16 au 18 mars. Donc, dans deux semaines. Juste avant la X-Luître. Oui. C'est marqué X-Luître, c'est la fin, c'est pas ça partout. Là. Non, c'est ça, mais anciennement, c'était la X-Luître. Ben, c'est ça change chaque année. Mais la Luître représentera l'UQTR à Rimouski. Mm-hmm. Donc, pour le tournoi à la Coupe universitaire d'impro, ça devrait être très intéressant. Et juste avant ça. Juste avant la Coupe universitaire d'impro, il risque de peut-être y avoir un match spécial dans lequel l'équipe de la QI de la Luître affrontera une équipe de tournoi la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne. Bonne idée, ça. Où on avait déjà fait cet événement il y a un mois de ça, peut-être, le Off Boozle qui s'était déroulé au Café des Mauvais Perdants. Ouais. Où justement on affrontait l'équipe de tournoi. La Luître affrontait l'équipe de tournoi de la LIM et puis ben on refait l'expérience juste avant la Q s'entraîner un petit peu. Exact, ça fait un échauffement. Puis exact. Ça fait un beau petit match d'impro aussi. Absolument, les gens aiment ça. Puis c'est fun, les matchs spéciaux dans des endroits autres que la Chasse-Galerie pour varier cette année. Il y en a eu où à l'Embuscade aussi. Oui. Il y en a eu un à Grand-Mère. Ben, c'était pas un match. C'était un match où la Luître allait jouer. Ouais, ça, la Luître rendait visite. Il y en a eu un à Shawi aussi, si je ne me trompe pas, en début de l'année. Ouais, la shop de la Wabasso du 3 exact. Whatever, ouais. Et puis là, c'est ça, là, le lieu demeure à préciser. On est en pour parler. Ben, Louis-Étienne Villeneuve est en pour parler pour lui. Louis-Étienne Villeneuve, quel roi de l'improvisation, oui, hein, Maurice. Très fort. C'est cool, il y a plein d'activités à venir et on va, j'espère, en reparler d'ici la fin de la saison parce que tu nous manques pas mal à l'émission. J'aimerais bien repasser. Ouais. Sinon, ben, un de tes 6 remplaçants. Ouais. Sera pas là. C'est ça. Pour exactement. Merci, Yabiyoud. Hey, ça fait plaisir. Dans les coulisses de la Luître. Oui, monsieur. Tu restes avec nous, toi aussi. Oui. Évidemment, parce que cette émission-là continue, même si les chroniques arrêtent. Ça arrête jamais. Et justement, en parlant de ne pas arrêter tantôt, on va goûter à quelque chose de vraiment délicieux, d'après moi. Je pense que ça va être un succès. On va voir. Peut-être qu'on va manger, peut-être qu'on va boire, peut-être les deux, je sais pas. Dans une grosse pointe tendresse plus tard, mais avant ça, on écoute Queensland. Voici la pièce Choke, parce qu'on espère qu'on s'étouffera pas là-dessus. Si des fois t'avales mal. Ça arrive. She's gonna shake and she's ready to break. Well, compromise blue-tin wallet in a room confided. If it seems she was stupid again, could have been true without regrets. All she's got now is the fear of her own shadow. Time has become so slow when she's not on the go. Nothing can bring you back from this. He's like a snake around her neck. It's choking her to Assemblage requis. On est en train de parler en ronde de jeux vidéo, donc amenons la conversation en onde pour bien le, sûr. L'avantage. Ah, ben c'est ça. Fait que je disais tout à l'heure que le jeu qui m'a fait triper, c'était The Last of Us. Très bon jeu. Ah, ouais, avec la suite qui s'en vient de ça. Ben ça. Oui, puis là, c'est, ça va tourner autour de quelques personnages. Pas juste Joël, mais là, je pense que ça va être autour de Ellie. OK. Puis il y a beaucoup de rumeurs qui courent, puis my God, là, j'ai hâte, là. Oui, le trailer, il y a comme un genre de secte. Ouais. Ouais, ça a l'air vraiment intense. Ouais, puis il y a des nouveaux personnages aussi, là. Mm-hmm. Ça tourne plus juste autour de deux personnages comme le 1, là. Je pense qu'il y aura d'autres nouveaux personnages qui vont être liés à quelque part avec Ellie. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi le punch, là, parce qu'il y a trop de rumeurs, ça m'énerve, ça, là. Ça reste une fin déchirante, en plus, hein, ce jeu. Hein? C'est fou, la fin est complètement déchirante. Oui. Ah parce oui! Parce que tu comprends le dilemme du gars qui perd sa fille au début du jeu. Ouais. Le jeu commence, ça fait 30 secondes, c'est commencé, il y a un infanticide qui se produit. Ah ouais! Ok. Ça installe. Ouais, c'est ça. Ah, vraiment, là, c'est un excellent jeu, mais aussi un excellent film. Le scénario ouais, exact, est débile. C'est ça. Ah, ouais. Puis le jeu en tant que tel, il y a des jeux où. J'ai joué, moi, justement, dernièrement, à un jeu qui s'appelait. Until Dawn, as-tu joué à ça? Non, ça me dit. C'est bien. Vraiment un genre de. Où il y a des actions. Comment on appelle ça, là? Tu sais, quand tu dois faire des actions durant des cinématiques ou. Ah ouais, interactif, style. Q&A, ouais. Pas Q&A. Ouais, non, mais, pas suivez votre propre aventure, style. Genre. Là, ben, ouais, c'est vous ça. Vous êtes le héros, exact, ouais, ben, il y a un nom ce pour ça. Jeu-là, mais... Ce jeu-là, en fait, Until Dawn, je conseille fortement à tout le monde, là. C'est. C'était un jeu gratuit Du mois, là, à chaque mois périodiquement, PlayStation rend un jeu gratuit. Ça, c'est vraiment genre, à chaque move que tu vas donner, ça va faire un impact. Oui, exactement. Dans l'histoire. Directement. Ouais. Et puis, c'est un survival horror. Exact. Ouais. Et puis, ce jeu-là, il s'inspire grandement des films d'horreur, tu sais, où, tu sais, mi-90, où il y a un méchant vraiment qui est visible. T'as quelques jumpscares, mais. Mm. Mais c'est trippant parce que chaque personnage est comme stéréotypé. C'est une bande d'ados qui se réunissent dans un chalet. Et puis... Ils jouent à Ouija? Ouais, ben... Le jeu commence où justement il y a quelqu'un qui sort un board de Ouija. Mais là, ouais. Ils se rendent compte que tout commence à brasser dans la place. Puis ils reviennent au chalet après qu'ils aient perdu une de leurs amies qui est décédée il y a 2 ou 3 ans, tu sais. Fait que là, ils reviennent au chalet pour se rappeler les bons temps. Ils ont été invités là. Puis là, ça dérape là, à partir de là. Mais ce jeu-là est incroyable. C'est vraiment le fun. C'est comme si tu regardais un très, très, très long film dans lequel tu interagis, tu sais. Ah, bon. Tu peux décider, par exemple, il y a deux personnages comme un genre de petit couple. Ah. Hein? Est-ce que t'es galant ou t'es pas galant? Mais si t'es galant parce que tu joues le gars à ce moment-là, tu sais. Ouais. C'est comme par chapitre où tu vas jouer un personnage. Genre, t'es galant, puis là, ça va être la fille qui va mourir en premier parce que tu l'as laissé passer en premier, quelque chose de genre. Ouais, c'est genre de truc-là, exact, ouais. Exact. Souvent, c'est le noir qui meurt en premier dans un film d'horreur. Mais non, dans ce jeu-là, il survit très... Ouais, okay. Non, c'est sûr, il y a pas... mais il y a un token black guy, évidemment. Là. Il est là, là. Ah. Mais... Ouais, le... Il est là, mais... Il survit... dépendamment des actions que tu fais, moi je sais qu'il a survécu assez longtemps, il est décédé finalement, mais il a survécu assez longtemps. Ouais, c'est ça. Moi je veux pas trop en reparler parce que genre j'ai joué à ça avec ma blonde. Ouais, okay. Puis là on attend, on se laisse 2 ans avant d'y retoucher. Ouais. Et là, tu sais qu'il y a un spin-off de ça là, qui s'appelle Until Dawn Rush of Blood, sorti en 2016, et qu'il y a une prequel qui est annoncée, The Impatient. Oh, Rush of Blood. Si tu veux continuer là-dessus. Hey, et le punch, si vous saviez pas, la fin de Until Dawn, la fille était morte parce qu'elle avait bu de la fucked up. Oh! Ben, oui. C'est pas vrai. Ah, oh, ok, ok. Je trouvais ça étonnant que tu mentionnes un punch. Donc... C'était supposé être un gag. Ok, fou. J'espère que non. Ça a tombé à plat. Vraiment? Rush of Blood, ça a pas l'air du tout d'être... Non, ça ressemble pas à... Ça a l'air d'être un shooter. Ouais, c'est ça. Dit que c'est un jeu vidéo de type survival horror et de tir à la première personne, sorti en 2016 sur PlayStation 4 et PlayStation VR. Ma parole, mais... C'est fait pour jouer en première personne. Ouais, c'est ça, avec le casque VR. Ouais, ouais. Ouais. J'ai jamais essayé ça. J'ai essayé une fois, puis c'est pas pour moi, partout. Et la plupart des gens que j'ai vus qui l'ont essayé, ils l'ont revendu plus tard, tu sais. Ouais, ben, on dirait que c'est un trip d'une affaire, tu sais. Ouais, c'est comme le facteur nouveauté, tu sais. Ouais, tu l'essayes, puis après ça, tu dis, mais peut-être que ça va être bon. Tu le ressors quand t'as de la visite, une fois que ouais, c'est ça. Eux autres, quand ils essayent ça pour la première fois, ils capotent. Mais tu sais, quand t'es habitué de jouer avec la manette, puis un écran, le VR, c'est pas pour toi. Non, celui que je connais qui avait ça jusqu'à récemment, qui l'a revendu, il l'avait acheté. Non, il l'a essayé chez quelqu'un. Il l'a acheté parce qu'il était super impressionné, il a joué beaucoup, il a investi, il était all-in, il a acheté même les petits masques là, de plastique pour protéger quand tu fais jouer avec d'autres mondes pour pas qu'il y ait leurs microbes dessus. Il était all-in, tu sais. Puis la prochaine chose que je savais, c'est qu'il l'avait vendu, fait que c'est tanné, tu sais. Tu fais le tour. Ben, ouais. C'est sûr. Surtout qu'il n'y a pas tant de jeux que ça. Il y a Resident Evil. Ouais, Resident Evil. Qui a l'air vraiment écœurant. Il y a des choses qui sont pas des jeux vidéo qui ont l'air cool aussi. Là, tu peux genre Google Street View, je sais pas trop quoi. Là, tu peux aller comme faire de l'escalade. Ça, c'est spécial. Ou faire de l'auto de course. Ouais. Moi, j'ai essayé la Formule 1 là, avec le vrai banc. Là, j'avais mal au cœur après ça. C'est ça, moi aussi. Ça doit être troublant. C'est... Hey. Ben, le mal du mouvement. Hein? Ouais, ils te donnent vraiment l'impression que tu conduis l'auto pour de vrai. Puis ça va vite, là. Fait c'est sûr. Dans ta tête, ça va vite, mais tu sais, à l'extérieur, là, quand ton ami te filme là, pendant que tu joues au jeu, là, tu bouges pas pantoute. Non, c'est ça, tu bouges pas pantoute. Wow. Eh hey, ben c'était cool de parler de jeux vidéo. Ben il y a plein d'autres applications aussi pour le VR mais qui sont bizarre. Pour le VR. Ouais. Le fameux VR en carton là que Google avait fait. Ouais. Là, je pense, là. Cardboard. Ouais, il coûtait genre 20$ du beau carton. Là. Tu mettais ton sel dedans. Ben c'est pas la Wii qui ont sorti un paquet de millions. Ouais, c'est la Nintendo Switch. Ouais. La Switch, ouais, qui sort un paquet de millions de trucs en cardboard. C'est super cher. En plus c'est du carton puis tu payes genre 100$ quasiment pour avoir une Switch. J'ai une Switch, ouais. Ouais, parce que les seuls jeux vidéo que je joue, moi, c'est des Mario. Mario, mon ami a acheté la Switch, puis vraiment, c'est très, très cool. C'est cool. Le Zelda a l'air insane. J'ai pas encore joué. A l'air malade mental. Je me suis acheté, là, j'ai la Switch, mais je me suis acheté aussi la Super Nintendo Mini, que j'ai pas encore ouvert. Là aussi. J'ai hâte de jouer avec. Il y a combien de jeux dedans? Cette fois, 21. C'est bon. Fait que là, évidemment, il y a Zelda, Link to the Past, il y a Mario. Il n'y a pas Battletoads? Je pense pas. Non, mais ça, c'est au NES. Moi, j'ai la Super NES Mini. OK. Ouais, mais il y avait Battletoads contre Double Dragon sur SNES. Ouais, mais c'était juste Double Dragon et Battletoads. Mais le premier, le classique, il me semble, il était sur la Sega. le premier Battletoads. Ouais. En tout cas. Le jeu très difficile, mais parce que Friendly Fire était là, là tu pouvais blesser ton ami. Ouais. Est-ce que vous étiez plus Sega, Nintendo? Moi, j'avais un Sega. Moi, j'avais un Sega, mais je trippais pas mal plus à ça. Moi, j'avais un Sega avec les Sonic. Les Sonic étaient très cool. Ça allait tellement vite. Mais c'est comme ça qu'ils annonçaient le jeu, d'ailleurs. Comme si, genre, tu pouvais spinner ton bonhomme. Exact. J'avais NBA Jam, ça c'était très hot. NBA confiture. Ouais, c'était trop du 3 contre 3. Là. Ouais. Tu pouvais faire des triple backflips avant de scorer ton dunk. Ouais, puis ton net qui tombait en feu des fois. Ouais. Les effets spéciaux Michael Bay était là-dedans. C'est pas d'autres qui avaient vraiment bien. Ben moi je me souviens de Mortal Kombat. Ouais. Mais t'avais le 2, puis ça a l'air que. Moi j'avais Tekken. Tekken, c'est à Sega. Ah ouais. Il y avait sorti ça, puis tu pouvais même acheter la grosse manette de Sega comme si c'était avec Liam Neeson, ça, Tekken. Non. Aïe, aïe. Mais non. Non. Contra. Je pense Contra, il était. C'était tough, ça. Ouais, c'était vraiment tough. Moi, j'ai toujours été jeu de plateforme. Il y avait un genre de Bubsy ou je sais pas trop quoi. C'est un genre de petit. Je sais pas si c'était un renard roux, quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'était cool, ça. C'était vraiment bon, ça. C'est comme un genre de Sonic, là, mais. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'était mon genre, c'est plus. Ouais. Ah bon. Ah ouais. Moi, je me rappelle, il y avait un jeu de Wile E. Coyote aussi qui était très fun. Ah ben là, ça m'intéresse. C'était très cool. Mm-hmm. Ah. Ça nous rappellerait, genre, la musique qu'on écoutait tantôt avec Léa Tessier avec des effets spéciaux dedans. Ça faisait Roadrunner. Ouais. Ça m'a remonté dedans. Mais c'est fou à quel point, moi, je sais pas pour vous, là, toi, t'avais une Sega aussi, mais tu devais être un des seuls qui avait une Sega. Ouais, c'est ça. Seuls qui avaient une Sega. Là. Puis ça, j'avais pas deux manettes. Je pouvais pas jouer avec mes amis parce que j'avais pas deux manettes. C'est toi, tu joues ABC, moi, je joue ses flèches. Ouais, c'est ça, exact. On essayait de partager ça. Il y a des gens qui font des records avec ça. Hein. Jouer une manette à deux. Là. Ah ouais. C'est incroyable. Notre chroniqueur Samuel Girard fait ça, entre autres. Ah ouais. Bref, retournons en musique. On va l'entendre, une pièce de Galaxy. Après ça, troisième heure d'émission qui s'en vient. Whoa. Et là, c'est vrai, une grosse pointe à l'adresse. C'est la prochaine affaire qu'on va faire. My God. Oh boy. Mais avant ça, c'est Galaxy phénoménal tout de suite à Assemblage Rocky. Woohoo! Je sais pas. Galaxy avec Phénoménal. Au retour de la pause, une grosse pointe en dresse, on va se rafraîchir. On va se lancer ça directement sur la tête. On va se baigner dans les bulles. Au retour. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Troisième heure d'assemblage requis en ce jeudi 8 mars 2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin a congé aujourd'hui, est au jeu de la communication, mais pour la remplacer, Gabriel Béhoud. Bonjour. Et Marc Gagné. Salut. Pour la journée de la des avec et pour. Journée de la femme. C'est ça. Mais ouais. Tania n'est pas là, donc nous, le festival de la saucisse, la remplaçons. On l'honore aujourd'hui. C'est quoi que tu disais tantôt, toi, Gabriel? Genre, t'es le... Pour les 364 jours. Oui, ouais. La journée de la femme pour Tania, c'est les 364 autres. Oui, il est c'est cute. Ça. Il est cute. Est cute. On va lui envoyer Tania. Cette cote-là. Puis Moi, j'y envoie des fleurs, ah, c'est oui. sûr. Oh. Bref, hey, c'est le moment maintenant, vu qu'on est ensemble, tous les trois, je pense que c'est le moment parfait hein, pour goûter à quelque chose. Et je sais que je vous emmène dans un territoire que vous connaissez moins ou pas pantoute, mais c'est ce qu'on appelle une grosse pointe tendresse. Hein? Quoi? Pardon? J'ai pas Est-ce entendu. Que c'est vrai? Ah! Oh. Une grosse pointe d'adresse. OK. D'accord. Une grosse pointe d'adresse. Ah. Une grosse pointe d'adresse. J'ai pas entendu. Une grosse pointe d'adresse. J'ai pris l'habitude de chanter sur, ou de dire des choses sur chaque intro d'une grosse pointe d'adresse et là, je pense qu'on a trouvé la bonne formule. Attends, j'ai pas compris. J'ai pas entendu. Pardon, c'est quoi une grosse quoi? Pointe et quoi? Quel saveur, la pointe? Barbecue? Pointe tendresse! Bref, c'est une grosse pointe tendresse. C'est la chronique où on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en dépanneur, en pharmacie, quelque chose de malsain, quelque chose qu'on n'a pas encore goûté tous les trois. J'espère. Aujourd'hui, comme je disais, Gabriel Béhoud, de la Luitre, qui est avec le capitaine des Rouges. Oui. Marc Gagné, qui est l'animateur de C'est dans ta face, mardi, les mardis sur nos ondes. Et je me demandais si vous aviez goûté, si vous étiez un fan de liqueur pour commencer, de boissons gazeuses. Moi, j'adore la liqueur, mais j'en achète jamais. Tu fais bien. Ouais. Parce qu'on en jasait avec des amis, puis ils m'ont dit, tu ferais le parfait au buzz. J'adore les chips, j'adore les biscuits. Ouais. J'adore la liqueur. Mettons, on achète un 2 litres. Là. Ouais. Puis moi, c'est pas une mal. Heure ou deux. J'aime bien les 2 litres particulièrement colorés, genre l'orangeade ou le Mountain Dew. Au raisin. Le crème soda. Dégueulasse. Crème soda, ouais, ok. Du crème soda, c'est dégueulasse. Arrête c'est la seule qui est pas buvable. C'est mais... comme un Pops Blitz. La root beer. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est le moins bon de la gamme. Ah bon. C'est mon préf, c'est mon préf. Ben, t'as le droit. Ben, le Kiri aux fraises. Tu connais ça, le Kiri? Oui, ben oui. Ça fait de faillite, mais là, ils l'ont reparti. Ah, je savais pas ça. Ouais, reboot de Kiri. Ouais, Kiri reboot. Un Kiri boot. Voilà. Marc, toi, liqueur préféré? La Dr. Pepper, mais délicieux. J'ai arrêté d'en boire, ça fait un bout, là, parce que, tu sais, bon, en tout cas. On a tous arrêté pour la même raison, parce que tu prends de l'ampleur de la bedaine pas mal quand tu bois de la liqueur. Ben oui, ben, il y a 23 ça. Saveurs particulières, le même nombre de chromosomes présents dans un éjaculat. Fait que nous, on disait que du Dr. Pepper, on... T'es sûr que c'est pas le Mountain Dew, ça, parce que c'est jaune? Non, mais il y a 23 saveurs dans le Dr. Pepper. C'est le même nombre de chromosomes que dans un spermatozoïde. On appelle ça un hasard, mais c'est un fait intéressant. Heureux hasard. On sait pas, mais je suis surpris qu'il y a personne n'ait parlé de Mountain Dew, de classique comme du Coke ou du Pepsi. Vous êtes vraiment plus originaux. Ouais, on est plus underground que Coca-Cola. Ben justement, est-ce que vous avez remarqué que Coca-Cola est rendu un petit peu plus original? Ben, les nouvelles canettes, là, ouais. Les nouveaux designs. Non. En tout cas, Coke, c'est meilleur que Pepsi. On va se Ouais, c'est vrai, mais tu sais. Oh, c'est-tu du Coke? Non, c'est pas du Coke. Ben, peut-être que c'est du Coke. Ah, non. Attention, j'ai ça dans mon sac. Qu'est-ce que c'est? J'ai amené effectivement deux des nouvelles saveurs de Coca-Cola Diet. Oh. Ici, attention. Alors, deux nouvelles saveurs. En fait, il y en a plus que deux. Oh, yeah, un Cherry Coke, ça, c'est bon, par exemple. Exactement. Donc, on a la cerise vivifiante de Coke Diet. Vivifiante. Et on a, ça, c'est orange sanguine mordante aussi de Coke Diet. Elles sont froides, mais pas aussi froides que j'aurais espéré, mais quand même. Pas super froides. Mais on va quand même les goûter ensemble. Les autres saveurs, je me rappelle qu'il y en a un que c'est lime gingembre. Apparemment que c'est quand même bon aussi, lime gingembre. Ouais, ben, gingembre, normalement, c'est pas... Ginger ale, c'est bon, mais dans un Coke, je suis pas certain. C'est ça. Est-ce que vous êtes du genre à mettre une petite lime, un petit citron dans votre Coke d'habitude, ou une petite orange, non? Bah, moyen, lime. S'il y a du rhum, oui, dans un Coke. S'il y a du rhum. Cuba libre. Tout le temps de l'alcool. Hein. Ben non, mais tu sais, moi, tu sais, quand vous parliez de fan de liqueur, moi, évidemment, tu sais, je pensais à de la bière, là. Fait que, tu sais. Ben, on a goûté à de la bière la semaine passée, si je me souviens bien. On a goûté aussi à plein de choses qui étaient sans alcool pendant le mois de février, sans alcool. Ah ouais? Fait que là, j'ai pas d'alcool pour aller avec le coca. Ben non, mais c'est correct. Les autres saveurs, je suis allé voir, c'est Twisted Mango, donc à la mangue, et Ginger Lime, en effet, lime et gingembre. Elles étaient pas disponibles en magasin où je suis allé. Peut-être dans une prochaine chronique, on les essaiera, mais là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ces deux-là. Fait que tangerine et raisin. Et cerise. Cerise. Mais pourquoi la canette est mauve? C'est troublant. C'est mauve? Ben, ouais. Non, mais non, c'est pas tout le temps mauve. Ben, il me semble que une canette de Coke. Dr. Pepper, c'est rouge, puis c'est la cerise. Ça. Ah, mais rouge, ça aurait fait confusion avec le Coke Diet normal. Parce que la nouvelle canette est rouge maintenant. Faut-tu pas Diet à saveur? Oui, mais pas. Je crois qu'on l'a pas encore au Canada, parce que je me rappelle avoir vu quelque chose sur ça. Elle est trop sucrée. Il y avait à la pêche. Coca-Cola qui sortait aux États-Unis, je me rappelle en avoir parlé, je l'ai pas devant moi, je l'ai vérifié tantôt, mais pour l'instant on va goûter à ces Coke Diet là. J'ai bien hâte de voir si ça va être aussi bon que j'espère que ça va l'être. Donc je vous donne les canettes, les gars. Pour ceux qui connaissent pas le principe de la chronique, c'est qu'on a un micro magique qui est situé en plein milieu de la table et c'est lui qui va accepter votre ouverture de canette. Voilà, c'est très bien fait. Ah, j'ai Gabriel. Mis des effets spéciaux. Michael Bay, t'es où? Toujours difficile à ouvrir, ça. Fait que là, on a trois verres. Ouais. Je peux-tu parler dans celle-là? Tu peux, tu peux. Va falloir verser dans le micro magique aussi pour entendre comme il faut, sinon on n'entendra rien. Vas-y. C'est comme super, comme son, c'est comme bravo. OK, c'est à mon tour. Marc Gagné. Sais-tu à quoi ça me fait penser, Mathieu? Quoi? Je fais une parenthèse, mais connais-tu The Report of the Week? Oui, ben oui, je connais, j'adore Report of the Week. Il est malade, ce gars, il est complètement... C'est le gars qui critique du fast-food dans la vie. Hein. Oui, tu veux un verre, toi, Mathieu? Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. OK, attention, effet spécial. Hey, c'est beau, t'en as mis pas mal, hein? Ben, je sais pas, je peux en mettre moins aussi. Attends un peu. Comme ça? Merci, OK. Okay. Passe-moi ça de l'autre côté, il faut être le plus sécuritaire possible ici. Hein. Merci, beaucoup. OK. Donc, ça, c'est quelle saveur? C'est la saveur que Marc nous a versée, celle-là? C'est la orange sanguine mordante. Hey, c'est de l'orange sanguine! Y a-tu des gens qui aiment ça, l'orange sanguine? C'est très film d'horreur, ça, sanguin. Hein? Ouais, mais ça a l'air que c'est un excellent fruit. T'es-tu en train de te reverser ça dans la canne? Ouais. Tu m'as dit que j'en ai trop mis. Mais non, que je partage. Mais c'est parce qu'après ça, il va falloir essayer l'autre saveur, tu vois. Ouais, ben c'est ça, mais j'en ai trop, selon parce moi. Parce qu'en tant que tel, j'ai amené deux canettes de chaque, fait qu'on en manquera pas, là. C'est pas l'objectif. Tout est beau. Donc, toi, Gabriel, tu t'es versé du Cherry Coke. Et nous, on a du orange sanguine, Marc et moi. Ouais. On va commencer par l'orange sanguine, OK? OK. Tu le goûtes aussi, là. T'as-tu un verre pour ça? Ben, je vais boire canette. Ah, bois dans la canette. Bois dans la canette. Okay. Bois dans la canette. Orange sanguine, Coke Diet, nouvelle formule. Est-ce que ça va avoir du succès? On essaye. Bye. Oh boy. Ça goûte le Diet. Ça goûte le Diet, ouais. L'aspartame, hein. C'est ça qui est décevant dans toutes les cœurs Diet, je trouve. Tout à fait. Mais l'orange sanguine, je dois dire qu'elle est là. Présente. Ouais, je vais regoûter un peu. Légèrement gazifié, je sais pas si c'est pour vous. C'est vrai, hein? J'ai l'impression que c'est moins gazifié qu'une. Et pourtant, elle est neuve. Elle est quand même. Ah non, on vient de l'ouvrir. Oui, elle est relativement froide, je dirais plus froide que température pièce un petit peu quand même. Mais non, ça manque de bulles. Pourquoi? C'est le même. D'habitude, le Coke Diet, il y a des bulles. Ben oui. Mais ça goûte la même affaire qu'un Coke Diet. Ça goûte pas tant. Pas tant. Ça goûte légèrement l'orange. Et c'est marqué quoi? C'est orange sanguine mordante ou quelque chose comme ouais, ça? Ouais, hein? C'est ça. Zesty orange sanguine. Et pas mordante, on va se le dire. Orange sanguine mordante. Elle a pas mordu des doigts comme Lobo, le super-héros, là. T'sais? Non, c'est ça, non. Exact. Non. Pas du tout. C'est fade, c'est plate un peu. Ah. Parce qu'on dirait qu'ils ont voulu trop. À la place de sortir comme quatre saveurs, parce qu'on disait tantôt qu'il y avait lime, mangue, cerise et orange en plus du code diète normal, mm-hmm. Il aurait peut-être dû en sortir deux ou trois, mais les faire comme faux, non? Ouais. C'est plate, non? Mm-hmm. Non. Mais c'est pas mauvais. En tant que tel, comme boisson, mettons, c'est pas mauvais. C'est bien. Mais c'est fade. C'est comme, c'est comme mon soda stream que j'ai chez nous, que j'aime tant, hein, qui m'empêche de boire de la liqueur tout le temps, mais que, qui me donne mon petit goût de dioxyde de carbone de bulesque. Mm-hmm. Je peux pas vivre sans mon soda stream. Quand tu mets moins de sirop que ce qu'ils demandent, ça donne un peu petit peu ça. On dirait qu'ils ont comme pas mis assez de sirop. Ouais, c'est ça. Ils ont pas mis. La saveur est pas assez. Il en manque un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je vais dire que je vais mettre mon pouce sur le côté parce qu'en tant que tel, je l'ai aimé, mais pas autant que j'aurais aimé l'aimer. J'achète pas une caisse de 12. Non, vraiment pas. Exact. Sur le côté. Marc, t'as en haut, en bas sur le côté, tellement. Pouce dans le bas. Bon. Mais moyen. Ouais, je suis vraiment difficile avec les liqueurs. Ok, ben. Je pense que je vais y aller aussi pour le pouce vers le bas pour le côté. Aspartame, diète. La diète, moi, ça m'agace. Ok, je garde mon tant côté. Tant qu'à boire de la liqueur, je vais boire de la. Ben, bois-en moins souvent, bois du coke. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon. On est rendu à la cerise. Cerise vivifiante. Vivifiante. Là, on va se dire l'adjectif vivifiante, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, ça risque d'être vivifiant. Hey, attends, ça fait vraiment. Je l'entends, là. Là, c'est pas moi qui le fais avec ma gueule. Mais c'est un micro magique. Ben ouais. C'est sympa. C'est magnifique. Ah, toi, t'en as déjà? Oui, oui, moi, j'ai déjà versé. Ah, j'en voudrais, s'il te plaît. Je m'excuse de pas t'avoir donné mon verre. Merci. Marc Gagné qui verse ça comme un gars très talentueux. Un champion. Ouais, ouais. Ah, moi, je suis payé pour ça, verser des verres. Pas en ce moment, mais. Non, pas en ce moment. Mais dans un futur. C'est très gratuit ici. T'as la canette. Moi, j'en avais déjà. Merci beaucoup, Marc. Ah, comment ça? Coke diète. Si on manque, quand je l'ai dit, j'ai une autre canette. Oh boy. Ben, déjà en partant, sans. Ouais, sans quelque chose. Oui, hein, ça sent le cherry coke de dans le temps, le vrai cherry coke, pas diète. Ouais. Est-ce que vous étiez fan des cherry coke? Moi, j'adore le cherry coke. C'est très bon. Non, jamais goûté. Non? Non. C'est comme un Dr. Pepper, mais plus ou le vanilla coke. Oh, ouais. Cherry vanilla coke, là. Hey, mais hey boy, ouais. Ça, j'ai connu ça, par exemple. Coke vanille. Ouais, c'était bon. Je comprends pas que ça existe plus, ça. Délicieux. Ben, Dr. Pepper vanille aussi. Il y avait le Pepsi bleu, tu sais. Ah, ouais, ça, c'était fou. Ça, c'est une aberration, là. Ouais. Ça, c'était désagréable. Il aurait jamais dû faire ça. OK. On goûte, c'est notre coke diète à la cerise vivifiante. Bon, ben, celle-là, au moins, il goûte la cerise. Ouais, ça goûte la cerise et on goûte moins le diète, non? Mmh, ouais. Ouais, ça passe bien. Un peu moins aspartamé comme goût, je trouve. Mmh. Ah, je l'aime bien, celle-là. Ah, pas c'est mauvais. Même pas mal bon. C'est quoi qui avait sorti récemment? Il y avait le vrai Coke cerise qui était chez Costco. Je me rappelle, c'est Véronique Mire, notre chroniqueuse, qui avait amené ça en studio. Et c'était pas mal similaire comme goût. Même que la cerise, elle a un petit kick, hein? Un petit kick poivré dans le fond de la gorge. Oui, c'est vrai. Bam! Après, c'est ça le côté vivifiant. C'est ça que le côté mordant de l'orange sanguine n'avait pas pantoute. Exact, ça tombait flat. Il aurait dû mettre le même petit kick dans l'orange. C'est quoi, hein? Ah, c'est. Ouais, ça passe bien. Meilleur le cherry. Ouais. Meilleur le cerise vivifiante. Mais c'est une formule gagnante, le cherry coke a toujours été populaire. Je comprends pas comment ça fait qu'il n'y en a pas plus souvent dans les dépanneurs et tout ça. Il y en a des fois à l'épicerie, la petite bouteille rouge, là. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Il y a ça. Mm-hmm. Je serais curieux de voir la lime gingembre, étant donné que le kick de la cerise est là. Est-ce que ce serait le même genre de kick dans le gingembre? Hein? Peut-être. Mm-hmm. Mm-hmm. Il va falloir tester ça. Mais bon, ce serait difficile de déclasser le Canada Dry, le champagne canadien. Oui, tellement. Dans la catégorie des. Ça vient gingembre. D'où, by the way, le Canada Dry? C'est une très bonne de question. De l'Irlande. C'est ça. Délicieux. Le champagne canadien, c'est écrit sur la canette. Hey, parlant de Canada, j'ai appris que le beurre de peanut avait été créé par un Canadien. Arrête-moi donc ça. Ben ouais. Monsieur Kraft. Puis moi, man, je mange tout le temps ça, du beurre de peanut, à tous les matins. J'adore. Fait que, est-ce j'adore. Que vous avez une marque de beurre de peanut chacun? Kraft. Ah, Kraft. Kraft, hein. Ben pas ouais. Le choix. Évidemment, pas celle-là qui est naturelle puis qui goûte à rien. Non, non, non, non, non. Le pot vert ou le rouge croquant, le croquant est délicieux. Le croquant est très bon. Le fouetté est quand même pas mauvais. Pas aussi. Mauvais non plus. Ouais. Pas mauvais. Mais moi, je suis quand même fan. J'ai essayé pas mal tous les bars de peanuts que je trouvais en épicerie. Mon préféré, c'est celui de Planters. Avec le goût vraiment des arachides Planters. Il est excellent. Ah oh, ouais. Ça bat le GIF pour moi, ça bat le Kraft Planters. GIF est pas mangeable, moi, je trouve, mais bon. Oh, c'est pas mauvais. Ben, Dans, si t'as le choix, si j'ai le choix, je me casse pas la tête, là, c'est... Ouais. Si j'ai le choix, je vais me prendre, genre, du chocolat noir, le Rassecard, pour mettre mes toasts. Non, c'est ça. Ça, ça, mais, c'est... Parenthèse, ouais. L'autre jour, il y avait le beurre de peanut croquant d'une marque maison dans une épicerie. Ouais. Et puis, tu sais, ceux qui ont comme une petite couche d'huile sur le les dessus. Les marques maison pour le beurre de peanut. Ça, hein. Ça devrait être pas si peu. Je vais l'essayer. Je suis dû pour acheter du beurre de peanut. Mm-hmm. Ben, sans faire, j'ai pas fini le pot puis j'ai été me racheter du Kraft. Même affaire. J'ai eu la discussion avec ma grand-mère. J'ai dit, parce qu'elle, je sais que. Avez-vous déjà fait ce snack-là? Tu mets du beurre de peanut. C'est ta grand-mère. Mais non. sur des biscuits soda. Oui, mais c'est oui. Tellement bon. Hey, ça, c'est l'ancêtre du sucré salé. Ah, c'est malade, c'est délicieux. Boy. Mon père nous faisait ça quand on était petit. C'est ma grand-mère qui faisait ça quand lui était petit. Pis... Il se mettait du beurre de peanut partout. Puis elle m'a dit. C'était kinky pas mal. J'arrive chez elle, tu sais, puis elle me dit. Elle m'appelle toujours par mon prénom complet. Gabriel. Tu veux-tu, t'as-tu du beurre d'épinard chez vous? Fait que là, je dis oui. Elle dit ah, parce que moi, je n'ai acheté une sorte, je l'aime pas. Elle me sort le même pot que j'ai acheté la semaine d'avant. Elle dit ah, laisse faire tes prêts avec, parce que moi, je le trouve dégueu. La pire marque, là, sérieusement, pour les produits maison, je sais que c'est plate de le dire, là, mais la marque Irrésistible, ils font rien de bon. Ah, exactement, c'était rien. Ça. C'était rien. Ça. C'est, il est vraiment c'est pas bon, le choix du président, et ouais. C'est pas pire, ouais, c'est pas pire. Irrésistible, bas de gamme. Mais ouais, c'est vraiment pas bon. Même le sans nom jaune fluo est meilleur que l'Irrésistible. Ouais, j'ai comme appris ma leçon là-dessus. Je touche pas à ça, je toucherai même pas qu'un laser à ce c'est, non, c'est là. Ça. Puis les gens disent tout le temps, tu sais, économise l'argent, prends les produits maison, ouais, mais pas n'importe quel. Non. Produits maison. Aïe. Eh ben. Bref, c'est ça, on a goûté à ce superbe Coke Diet, c'était magnifique, j'aime Dieu, bien ça. Wow. C'est de la TV qu'on fait ici, là. C'est pour le bien-être de notre public YouTube. Oui, allez sur Coke. On fait de la pub, man. DietCoke.com. DietCoke.com. Je sais pas quand ça existe. Mais peux-tu croire? Diet Coke. Peux-tu croire qu'en France, à la place de s'appeler Coke Diet, ça s'appelle Coca-Cola Light? Oh! Parce qu'il aime pas le mot diète, faut croire. Ouais, ben c'est comme le poulet. Mais c'est loin d'être diète, en Kentucky. Fait. Kentucky. Comment t'as dit, Marc? Le poulet Kentucky, eux autres, c'est Kentucky Fried Chicken. Du KFC! Du KFC, pis nous autres, c'est quoi donc nous autres? C'est PFK. Ouais, poulet ça. Frit Kentucky. Avec la toune par les dendrolets. Hein? C'est donc. Bah là, on a la connaît par cœur. Ils ont une chanson PFK officielle? Non, c'est pas officiel. Ils ont fait des pubs, eux autres, PFK. Donc. Tu te rappelles pas de ça? Non, mais la TV, même. Qui regarde la TV en 2018? Ah, mais ça date, là. Ça fait, doit faire 10 ans de ça, là. Ça me disait absolument rien. C'est dans leur début. Ouais. Je trouve qu'on a du fun à manger, à boire ensemble, mais on pourrait manger aussi. C'est rare qu'on fait deux produits en même temps, mais je me dis, on a du temps aujourd'hui. Allons-y. Vous avez le choix. Qu'est-ce qui va mieux avec la liqueur? En passant, on va pouvoir sortir les autres canettes. Des chips. On va pas le choix, c'est... Ben, vous avez le choix entre... En fait, j'ai dans le local à côté du popcorn, mais ça ne fitera pas avec ça, je pense. Non. Vous avez le choix en fait entre quelque chose de salé, OK, et de sucré-salé. Soit sucré-salé, soit salé tout court. Il va falloir arriver à un consensus. Salé. OK. On va donc goûter à quelque chose que j'ai trouvé dans un dépanneur miteux du Cap de la Madeleine. Ce sont des salamis whips. Fumés naturellement au bois. C'est du salami doux. Oh. Okay? Oh. Mais d'une marque que je connais pas, c'est Pillars. Ouais, c'est, ils font toutes sortes de charcuteries. Ouais. Salami des whips. Des peanuts aussi. C'est sans lactose, c'est sans OGM, GMS, c'est sans gluten. Ça existe depuis 1957, mais moi je connais pas ça. C'est 8 pieds de tendre salami européen traditionnel avec des notes de poivre noir et d'épices exotiques. On s'entend que ça fait changement des petits salamis qu'on fait. D'avance, là, je les attaque une brique et un fanal. Ah, pas vrai. C'est une recette européenne authentique. Et c'est prêt à manger. Et en plus, l'emballage est refermable. Donc, on va pouvoir en manger toute la journée au complet. Est-ce qu'on parle un petit peu de... Tiens, ah oui, il y a un détail vraiment intéressant, je trouve. Ça dit que si la surface du salami est blanche, le produit est encore bon. Ceci est une situation naturelle lorsqu'un salami traité à sec est exposé au froid. Pour une apparence optimale, ne pas réfrigérer, même après l'ouverture. Ça n'a pas été réfrigéré, c'est dans mon tiroir. Je l'ai dit au début de la chronique. Produit du tiroir, c'est l'idée, hein? Sinon, on regardera pas les informations nutritives parce que ça nous intéresse pas. Ça a été fabriqué en Ontario, à Waterloo. Waterloo, Ontario. Ouais. Oui. Premier ingrédient, c'est le power. Le power, puis le sel. Ah ouais, il y a du sel. Ben oui. Incroyable. Il y a des épices et des extraits d'épices. Oh. C'est juste des petits bouts d'épices. Des extraits d'épices. Est-ce que tu veux que je fasse le gag? C'est des tests de 15 secondes d'épices. C'est ça. Parce que d'habitude, avec Tania, quand je dis qu'on a un extrait d'épices, je dis, on a un extrait d'épices. Aïe! Je fais ça à chaque fois. Fait que tu sais, c'était comme. T'as-tu entendu l'extrait d'épices? Non. Non? J'ai pas d'écouteur. Le gars, il y a même pas d'écouteur. Ça fonctionne très bien comme gag, même sans écouteur. Bref, Pillars, Salami Whips, je vous lance ça, les gars. Qui va avoir le bonheur de l'ouvrir. Combien de pieds? T'as 8 pieds en tout, hein. Fait que sors-en quelques pieds. Hein. Un pied chaque. Quelques pouces? Ouais. Ah, il est refermable en dessous, hein, non? Ouais, en dessous, il y a un petit. C'est marqué refermable. Non, non, l'autre barre, l'autre barre. Non, l'autre barre de l'autre barre. Ah. En bas, c'est ça. Ah, ok. Hey, boy. C'était pas clair, hein. L'autre barre. C'est comme des sacs d'Oreo. Hey, hey, hey, micro magique, man. Micro magique. Wouh! Oh! Hey, ça coince! Wow! On a pas brisé la console. Non, non. Okay. Ben, c'est pour ça que les dégustations sont de l'autre côté de la console. Et oh moi, ce que. Boy, non, non, ça non, non, non, sent, non, ça man. Va très bien. Ouais, ça sent le salami. On a entendu le porc faire ses petits bruits quand t'as ouvert le paquet, hein. Ça fait coin-coin comme un. Queen. Donc, ça sent le porc épicé ou. Ouais, ça sent le jambon. Ok, là. C'est okay. Plusieurs, je vais en prendre. Eh hey boy, c'est long, là, check, man. Il n'a pas 8 pieds. Très, montre ça à nos amis sur YouTube. C'est vraiment long. Ben, place-toi devant, mettons, pour montrer le. Attends, ouais, je sais ça. Même pas. Oh! Là. Ok. Ok, lève-le, lève-le. C'est vraiment des très longs bouts de salami. Ouais, mais sérieux, j'aurais pu les couper en deux facilement. Je donnerais tellement. En tout cas, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'étais pour dire, je le mangerais, mais je pourrais aussi faire à croire à mon chien que c'est de la nourriture pour chien. Mais bon. Ben, c'est des petits saucissons très très minces. Mm-hmm. On dirait comme des frites juliennes, mais très très longues. Et l'odeur est porc. Ah, il a déjà commencé à manger. Okay. Ben, ouais. Ben là. Ben moi, je suis un amateur de. Moi, c'est pas mal mon snack de. Oh, miam! T'as un peu de voiture à faire, là, pis t'arrêtes de mettre l'essence ou quoi. Mon snack de prédilection. C'est un must, un pepperoni. Fuck les peanuts, là, prends un pepperoni. Un pepperoni, peu importe la marque, là, Jack Link, ça en font des très bons, je trouve. Ben, c'est ça, d'habitude, le classique, c'est Jack Link. Avec un léger goût de réglisse noire, vous remarquez. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'il y a un petit arrière-goût de réglisse noire, pas celui-là. Là, non, mais... celui-là, il est pas très épicé. On remarque un peu quand même l'épice, ça fait. Ah, on voit qu'il y a des extraits. Il y a des extraits qu'on a d'ailleurs comme extrait. Je vais arrêter ce gag-là. C'est bon. Je pense que. Ça fait la job pas mal comme pepperon. Mm-hmm. Somebody touch my pepperon. Particulièrement salé. Hey, mm-hmm. Il goûte la viande en plus. Ouais, c'est ça. Fun. Moi, j'approuve. Je mets mon pouce en l'air pour ça. Moi aussi. 3 pouces en l'air. Faut venir de le mâcher, par exemple. Mais non, grand fan. Je le conseille. C'est par la compagnie. Moi, je lag comment tes partages. Comment? Je lag comment tes partages. Tu cliques sur la petite clochette pour avoir la notification. Ouais. C'est fun parce qu'il se mange très bien, même si tu le plies en deux. Oui. Ton pied, parce que je sais pas si c'est un pied par pepperoni. C'est deux. Deux pieds? Ça doit. Crème. Il en reste un. Il en reste deux, en fait. Deux, ouais. Ça doit être. On va pouvoir se partager ça. Un pied, trois quarts. Hein. Moi, Pillars, salami, whips. Je sais pas pourquoi whips. Whips comme dans fouetté. Salami, whips, ça a aucun sens. Peut-être parce qu'ils sont partout. Ah, peut-être parce qu'ils font les trois. Ils font quoi? Tu peux fouetter avec. Ah, c'est des fouettes. Hey, ça se peut, ça. Ouais. C'est pas fou. Si tu veux faire avancer un cheval, frappe-le avec du porc. Voilà. C'est comme ça. On fera pas de gag de mauvais goût sur le porc, s'il vous plaît. Non. On n'est pas à la radio de Québec ici. On n'est pas voilà. Là. Voilà. Parle-moi-en pas. En tout cas, hein, c'est ça. Mais moi, je pense qu'on va avoir besoin de se remettre un petit peu de coke et diète pour caler ça. Oui, parce que. Parce que c'est salé en désespoir. Voilà. Hein. Pouce en l'air pour ça. On a mis notre pouce pas mal en bas. Le consensus était en bas pas mal pour le coke diète tantôt. Très peu mitigé, mettons. Voilà. Merci, groupe. Ben, merci à toi, Matt. Fait plaisir. C'était délicieux. Merci pour tout. Ding, ding. Pouce en l'air. Pouce en l'air. Voilà pour cette petite dégustation d'une grosse pointe en l'air. On rappelle que les chroniques sont toutes sur YouTube depuis quelques semaines. On est rendu à un bon 6-7 chroniques. Allez liker la page, partager surtout, ça nous aide beaucoup à devenir populaire avec une grosse pointe en l'air. Parce que Colin, on veut que ça dure, puis on veut avoir du succès avec ça. On veut pouvoir avoir, je sais pas, de la reconnaissance pour essayer ces produits-là. On aime ça, on aime ça. On est des putes. C'est sur YouTube la page Assemblage Requis. On va être dû pour une petite pause musicale. Après ça, on va revenir avec un autre blog d'une grosse pointe d'adresse, mais on va faire des nouvelles fast-food après ça, donc restez là. Pour l'instant, on écoute Crow Eats Man. Voici Jaded Assemblage Requis. We'll be right back. 89.1 FM. C'est la dernière demi-heure de l'assemblage requis en ce jeudi 8 mars 2018. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin va être de retour avec nous lundi à l'émission. Elle est au jeu de la communication en épreuve radio en ce moment. On lui souhaite bonne chance. Ça, c'est du sport. Hey, mais oui. Ça, ils sont entraînés longtemps. C'est pas de la tarte. Non, c'est pas de la tarte. Et on dit pas ça des tartes de nos jours. C'est la journée internationale de la dé pour et avec les femmes. Attention! Gabriel Béaud est avec nous. Salut. Et Marc Gagné. Allô. De l'émission C'est dans ta fraîche. Oui. Tantôt, on a eu du plaisir en goûtant du Coke Diet et à des petits pépérones. Mais maintenant, ça va être le moment de parler de nouvelles de fast-food dans une deuxième portion d'une grosse pointe en dresse. J'ai pas entendu! Ah! Pardon? Quoi? Ça va être déjà oublié. Donc, la deuxième partie d'une grosse pointe en dresse, on parle de nouvelles du fast food. Et aujourd'hui, étant donné que Tania est pas là, je me suis dit, je vais me donner un petit concept que j'aime faire une fois de temps en temps. C'est un bloc spotted. Donc, on va y aller en rafale avec des produits. Vous me dites si vous essayeriez ça ou pas. Hein? OK. Pour commencer, il y a Blue Diamond qui sort une ligne artisan crafted gourmet d'amandes. Ah, une nouvelle ligne différente des autres. Elles sont pelées, pour votre plaisir. Et elles ont une surface plus douce. Mmh. Ensuite, les amandes sont rôties, assaisonnées, puis des herbes, des épices, etc. Il va y avoir 4 variétés, avec du sel de l'Himalaya rose, truffe noire, herbe et huile d'olive, romarin et sel de mer. C'est-tu cute, hein, pour les occasions spéciales? Oh! Pas sûr, hein? Ils font la job, les normales. Ouais. Plus je sais pas si je paierais pour des amandes pelées au bord. Pelées, et pas de petites bobosses dessus, ils sont lisses. Wow. C'est l'équivalent d'acheter les personnes qui achètent les boîtes de cachous plutôt que les collations de cachous qui sont tout pétées dans la boîte. Ah, dans le fond, ouais. C'est des cachous. Ouais, c'est ça, des cachous. Tu payes la moitié du prix. Tu sais. Ça a l'air bon, mais ça vaut clairement pas la peine. Non. Vraiment non. Pas. Ils disent c'est le genre d'amande que tu peux mettre en paire avec du fromage, des charcuteries, des olives. Oh. Comme toutes les amandes du monde. Ouais, c'est ça. Ensuite, commencez à préparer vos papilles gustatives. Hein, pour ceux qui aiment un petit kick, les Spicy Skittles sont arrivés. Oh ouais. Sweet Heat Skittles. Donc, c'est vraiment piquant, épicant. Épicant. Épicé. Épissant. Épicé. Moi, je préfère épissant. Okay, depuis épissant. Que j'ai sorti ce mot-là. OK. Donc, c'est disponible au Fiery Watermelon, donc melon d'eau, mais avec du feu. Blazing Mango, Flaming Orange, Sizzling Strawberry et Lemon Spark. Faut peut-être trouver des adjectifs. Mais je sais pas. Sucré et avec un petit kick de piquant. Oui, j'essaierai ça, c'est sûr. Bon. Ouais, ok. Je pense pas, moi. Ouais, mais c'est pas genre salé, t'as dit? C'est sweet heat, donc c'est piquant, mais sucré aussi. Ah! Tu sais, t'imagines melon d'eau et après ça, t'as du feu. Ouais. T'sais? Bah, je serais curieux d'essayer. Ouais? Ce serait pas pire défi. J'écouterais, moi. Je vous inviterai à la chronique si on l'a, à un moment donné. Ah oui. On passe au M&M maintenant avec des M&M napolitains. Comme dans Napolitaine, comme dans la crème glacée. Comme dans chocolat, vanille et fraise. Mais tout ça dans chaque... M&M, donc t'as les M&M. Ouais, les trois couleurs dans chaque. Dans chaque. Donc t'as vraiment, mettons, la coquille est rose, t'as un milieu de chocolat et l'intérieur vanille. D'autres, c'est l'extérieur du chocolat, le milieu, tu sais, ça varie de M&M en M&M. Moi, je serais pas assez napolitain parce que je mange la vanille puis le chocolat puis la fraise, jamais elle reste rose. Pour le restant du monde. J'avoue que c'est pas la meilleure, la crème glacée aux fraises, hein? Non. Non, c'est ça. Ça goûte pas les fraises. C'est ça encore à mode, la crème glacée napolitaine? On en voit moins, mais ouais, je pense. Ouais, en tout cas. Un genre de collation de vieilles personnes. Ben, ça pouvait juste être chocolat vanille, ils vendraient des millions. Donnez-les à quelqu'un d'autre, les frères. Carrément. Bref, c'est des sacs de 8 onces en ce moment. C'est une thématique de Pâques. C'est M&M napolitaine. C'est original. Quand même. Toujours chez les M&M, on a des M&M à l'espresso croustillant. Oh. Crunchy Espresso M&M's. Ainsi que Crunchy Raspberry, donc aux framboises croquantes. Et aussi Crunchy Mint. Mint, je suis pas sûr, mais les autres... Expresso, ça veut-tu dire café? Café. Là? Oh. Ça sonne très bon. C'est vendeur. Ouais, mais pour vrai, menthe, moi j'aime bien ça, le After Eight. Et si tu mélanges en plus espresso et menthe et M&M, si on faisait un avec tout ça dedans, pas la framboise quand même. Mais ça serait pas pire. Moi, je goûterais ça. C'est vrai. Et le sac est refermable, pas besoin. Krispy Kreme sort un popcorn glacé à la façon de leur beigne au Royaume-Uni. La. Oh, tu sais, les beignes originaux. Ça doit être fou. Le Krispy Kreme. Hey. My God. Apparemment, qu'il y en a encore au Québec des Krispy Kreme chez Walmart, entre autres. Ouais, ben, il y en a. Je suis passé récemment sur celui sur le Bourgneuf. Là. Il est encore en vie, celui sur le Bourgneuf. Tu parles de Krispy Kreme? Krispy Kreme. Le Bourgneuf. Ouais. C'est où, sur une ville ou c'est une rue? Ben, la rue. Ouais, excuse. C'est dans quelle ville? C'est à Québec. Ah! À Québec. Ah. T'avais dit à Québec, je pensais à la capitale. Fait que c'est ça. Celui qui est proche du Galerie de la Capitale puis du Walmart. Ils ont-tu la chaîne? Tu vois-tu les beignes sans faire glazer? Oh. Moi, j'étais allé à un seul, je me rappelle plus où, j'étais jeune. Hey, je m'en souviens. Il y a genre le tapis, mécanique là, où les beignes passent tout un cordé un en arrière de l'autre. Là. Là, t'as regardé ça, puis tu rêves. De glaze blanc. Ouais, le rêve américain. Ah, ouais. Yeah, boy. Donc, ça se passe au Royaume-Uni. Malheureusement, on n'aura pas ça ici. C'est des sacs de popcorn original glazed qui goûtent exactement comme leur beignes, disent-ils. On peut l'acheter donc seulement dans les boutiques Krispy Kreme du Royaume-Uni. Ensuite de ça, on a, et ça, là, ça m'a impressionné. Ça fait longtemps que je voulais en parler. C'est les Kit Kats à saveur de sirop pour la toux. Cough Drop Flavored Kit Kats, disponible au Japon. C'est donc des barres de chocolat blanc avec 2,1% de poudre de pastilles pour la gorge. Ceux qui volent un petit buzz dans leur vie. C'est ça, mais tu sais, quand t'as le mal à la gorge, je sais pas trop quoi, t'es annonceur de radio ou comme le monsieur annonceur de match de sport, je pense, sur l'emballage, t'as besoin d'une Kit Kat qui va t'aider la gorge, tu sais. C'est au Japon, ça. C'est au Japon. Ouais, ben, moi j'ai beaucoup étudié là-dessus, le Kit Kat au Japon, là. T'as passé du temps sur eBay comme moi, hein? Ouais, mais non, mais ils ont plusieurs sortes de Kit Kat au Japon. Tiramisu et autres. Ouais, il y en a plein. Il y en a même un au wasabi, genre, ouais, là, c'est spécial. Puis ça a l'air que pour eux autres, là, la Kit Kat, là, ça porte bonheur. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est tant à la mode là-bas. Parce de toutes les saveurs. Ouais, c'est ça. Porte bonheur. T'en as plein, t'en as au-dessus de 100 saveurs, genre. Ouais. Nous autres, ici, on a quoi? On a 3-4 saveurs, genre. Ouais, puis encore. C'est fou, tu sais, t'en as au thé vert, t'en as au pomme et cannelle, t'en as. Ça va loin, là. Ouais, il faut aller voir sur eBay pour vrai. Ça se livre jusqu'ici. Donc, Kit Kat au passé pour la toux, j'irais, je ferais peut-être le contraire aussi, passé pour la toux Halls, à savoir le Kit Kat. Ouf, ça c'est. Ça viendra peut-être un jour. Délicieux. Pour la gorge. Ensuite, on revient au popcorn un petit peu avec du popcorn aux Cheetos dans les cinémas Regal aux États-Unis. C'est Regal Cinemas depuis le mois de décembre. Donc, collation fromagée avec le popcorn de la chaîne de cinéma, mais mélangé avec la saveur de Cheetos ainsi que des crunchy Cheetos dedans le sac. Donc, t'as le popcorn. Et les crunchy Cheetos. Waouh, c'est délicieux. Un beau mix. Pas délicieux, pire, hein? Ouais. Disponible en verre de 32 onces. Ensuite, Cheez-It, Buffalo Wings Crackers, donc des Cheez-It un peu comme des Ritz. Mais à savoir de Buffalo Wing, El Buffalo. C'est sûr. Ah ouais? Sûr et certain que je goûte à ça. Hey, wow. Moi aussi, je trippe tellement sur la sauce d'aile de poulet que je me suis acheté là, de la sauce pour aile de poulet. Là, c'est qui là, la marque de sauce piquante là, tout le temps? Là? Red Hot. Red Hot. Mais ils ont une version. Put that shit on everything. Ouais, put that shit on everything. Mais celle qui est marquée aile de poulet, là, ça goûte, c'est la goutte, là, sa sauce. Ça goûte la sauce des ailes de poulet. Non. Mmh. Oh, wow. C'est ça qu'il faut faire. Pas acheter la Red Hot normale. La Red Hot pour les ailes de poulet. Ensuite, Sun Chips. Version patate douce et cassonade. Non, merci. Patate douce et cassonade. Come on, ça a l'air excellent, non? Ouais. Le sac est mauve, fait que tu pourrais penser que c'était la cerise, mais non. Mais non. Les cerises vivifiantes. Ben, si les chips étaient faits avec des patates douces, ça serait encore plus solide. Ah, mais oui, c'est made with your sweet potato. C'est fait avec des patates douces pour vrai. Ah, ouais. Et ah, ben là. Ça dit saupoudré de cassonade. Moi, c'est sûr, je goûte pas à ça. Déjà que des sweet potatoes, c'est sucré comme patate avec la cassonade. On dirait qu'en français, sweet est toujours succédé de fuck all. Fait que tu veux dire sweet fuck all potato? Mais non, ouais. Ensuite, un autre spotel ici, c'est des Chex. Vous connaissez les mélanges Chex là, de différents des petits quadrillés de blé, je sais pas trop quoi. Là. Bon, des fois, ça peut être avec du chocolat, des pastilles de saveurs de différentes choses. Ici, on a les Savory Chex Mix à la crème sur et oignon. Hein, et on a miel et barbecue. Pas pire, des Chex Mix, mais version crème sur et oignon. Je pense que ça fait un job. Ouais, ça marche. J'aimerais ça. J'ai toujours aimé les Chex Mix d'ailleurs. C'est dur à trouver au Québec, il y en a eu une fois de temps en temps, il y en avait sucré-salé, mais il n'y en a pas tout le temps. Ben, nous autres, c'est les Méli-Mélo, là. Ah oui, mais ben ça, c'est bon. C'est là-dedans qu'on retrouve les Chex Mix. Ouais, c'est ça. Pas mal notre équivalent du Chex Mix, en fait. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a des Cheerios, édition spéciale aux pêches. Des Cheerios? Des Cheerios aux pêches. Les Peachinos. Ben, t'as pas mes cannelles de Cheerios, fait que j'imagine sont très que... bonnes. Ben ouais, pis aux pêches, peut-être, On dirait qu'il y a comme une mode des pêches en ce moment. Tantôt, on cherchait les saveurs spéciales de Coca-Cola, les vrais pas diètes. Pis il y en a aux pêches au Japon en ce moment. Peach Coke, donc Peach Cheerios, pourquoi pas, c'était à la mode. C'était à la mode. Ben ouais. On a parlé de Bird Pin tantôt. Est-ce que vous connaissez les barres de chocolat Butterfinger? Que Bart Simpson annonçait dans les années 90. Hey boy, Butterfinger. Ben, il y en a maintenant à Butterfinger Cups, là, comme les Reese's Cups, mais avec du beurre d'arachide, donc c'est des Butterfinger. En fond, c'est des Reese's. C'est des Reese's, ouais, c'est pas mal les Reese's finalement. C'est quoi les Butterfinger? Google un petit peu Butterfinger, c'est difficile à décrire qu'est-ce que c'est à l'intérieur. Ah, les barres de chocolat, ouais, ouais. Ah, ok. C'est, t'as un petit peu, il y a la définition ici. Ça ressemble un peu à des Wonder Bar. Un petit peu, ouais. C'est une barre chocolatée qui contient du chocolat industriel, du caramel mou ainsi que du sirop de maïs, sucre, arachide grillé, huile de palme, cacao, mélasse. Tout du bon stock. Ouais, c'est ça. Tout bon pour la santé. C'est diète, là, c'est parfait. Mais bref, en cups, donc en petit truc, ben à la place des fers ronds, ils font genre en carré à coin rond, genre icône de iPhone. Ah! Et ils mettent du beurre de pin dedans. Justement, parlant de beurre de pin, Snickers Peanut Butter Crisper. On a goûté à la Snickers Crisper il y a quelques semaines. La chronique est sur YouTube d'ailleurs. Ça la Snickers. Ouais. Oui, c'est très bon sans passer. La Snickers Crisper, on l'a bien aimé quand même. Elle est bleue, là. Ouais, avec les petits grains de maïs dedans. Mais ici, c'est la Crisper Snickers, mais avec du beurre d'arachide en plus. Oui, c'est très bon. Moi, j'ai goûté à celle-là. T'as goûté à celle-là, pour vrai? Pas dans l'emballage bleu. Non, c'est pas l'emballage bleu. Ok, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est là du beurre de pin en plus. J'adore les Snickers. Ça, moi aussi. Mais on a trouvé que la Snickers Crisper goûtait pas assez la Snickers. Bref, c'est vrai que le goût est différent. Ouais, c'est ça. Justement, tu veux garder. Il me semble qu'il faut que tu gardes l'origine du produit et que tu rajoutes quelque chose. Faut pas que tu changes le produit, c'est pour faire ça. Mm-hmm. On a la Crunch. Vous connaissez Crunch au petit grain de maïs? Pas de maïs de. Genre, de... c'est jaune à l'intérieur, puis c'est très dur. Là. Ça, c'est la Crunch. La Crunchy. C'est-tu genre. Non, c'est la Crunchy. Avec des petites boules blanches. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Du riz qu'il y a dedans. Genre de Rice Krispies. C'était la mode quand je faisais l'Halloween à l'âge de 12 ans. Moi, j'étais bien content. C'était dans les meilleurs. Mais imaginez s'il l'avait au chocolat noir. Wow. Oh, 100% vrai chocolat, il faut le préciser quand même. Ils ont aussi des Bunch of Crunch, c'est des genres de petites crottes de hamster, mais avec la crunch dedans au chocolat noir. Oh. Ça a l'air fantastique, moi ça j'en veux plein. Ensuite, vous connaissez peut-être les céréales Cookie Crisp, c'est comme des mini biscuits brisés de chocolat. C'est bon ça. Ah, on les a goûtés à la chronique aussi, on n'a pas aimé ça avec David Ferron, on a trouvé que ça goûtait fade. Ben, c'est comme manger des petits mini biscuits. Mais pas assez, ça goûte pas assez les biscuits, je trouve. Ça m'a déçu aussi, j'ai goûté hier au décadent biscuit choix du président, là, c'est ça? Non, c'est irrésistible, peu importe. C'est qui? Ben, ça existe des décadents aussi, ouais. Avec des milieux en genre de chocolat mou, comme Nutella à l'intérieur. Okay. Je trouvais que ça goûtait pas assez. Ah, ouais. On dirait qu'il faut que ça goûte fort. Moi, je suis habitué à goûter des biscuits Pillsbury. Ça goûte en titi. Ouais. Les brisures, tu sais. Mm-hmm. Bref, Cookie Crisp qui sort une édition limitée à saveur de gâteau de fête. Oh. Ouais, je sais pas. Petit biscuit avec des sprinkles dedans, mais t'as pas les brisures de chocolat. Il aurait dû garder les brisures et mettre en plus des sprinkles. Exact. On se comprend. Changez pas la formule gagnante. Ensuite, toujours dans les céréales, les Lucky Charms, mais avec que des Shamrock, donc que des petits trèfles. Donc on a enlevé les autres guimauves. Je pensais que c'était des licornes. Oh non, ils ont enlevé les licornes. Pas de licorne, pauvre toi. Ah, mais vous pouvez, selon la boîte de céréales, vous attraper un leprechaun. Avec une boîte de Lucky Charms avec seulement des porte-bonheur, ça attrape les leprechauns. Ah bon. Ouais. Ensuite, toujours en céréales, les Lucky Charms encore, mais avec trois nouveaux arcs-en-ciel. Ça change tout. À la place d'avoir un sablier. Ça peut être bien meilleur. Ça met en évidence le gay pride, man. Tellement. Probablement. Ben ouais, fierté gay, man. Et c'est trois différents arcs-en-ciel de différentes couleurs. Ah, fait que c'est même pas comme les vrais arcs-en-ciel. T'sais, ils ont des couleurs précises, les arcs-en-ciel. Tu peux pas faire n'importe quoi avec ça. Ouais, c'est... Ouais. Toujours chez les Lucky Charms, cannelle et vanille. Cinnamon Vanilla Lucky Charms. Waouh, fait que j'imagine que c'est les morceaux qui sont pas des guimauves qui sont à la cannelle et vanille. Ça dit que les céréales en tant que telles sont à la cannelle et les guimauves doivent être elles à la vanille. Oh! Ouais. Oh, c'est pas, ça passe bien. Pas si pire. Édition limitée encore, estivale, hivernale avec des petits bonhomme de neige dessus. Les céréales, encore une fois, mais cachées, tu sais, les céréales qui goûtent un petit peu le carton. Ouais, exact. Hein? Les seules qui sont supposées être bonnes. Ah ouais, ouais. C'est ça, sont bonnes pour toi. Mais là, ils en font une saveur cannelle et pain grillé. Pain, comment on appelle ça? Pain French toasté. Toast. Là. Ouais, c'est ça. Pain doré. Pain doré à la cannelle. Eh ben. C'est comme des croques pain doré, mais qui goûtent pas les croques pain doré parce que c'est caché. Meilleur des croques pain doré dans le fond. Exactement. Kit Kat. On revient à Kit Kat. Bon, version crème à la menthe et miettes de biscuits. Pas pire. Pourquoi miettes de biscuits? Pourquoi pas juste au biscuit? Peut-être parce qu'il y a quelques morceaux dedans, c'est pas complètement. Ah, c'est biscuit. Ça. C'est comme genre le fond de l'emballage était décadent, là. Ouais, c'est ça. Qui tombe de la chaîne de production, qui tombe chaque côté du convoyeur. Ben, ça sauve des pertes. C'est ça, ça sauve des vies. Ah ouais. Ensuite, on aime tous, en tout cas, moi j'aime beaucoup les petits gâteaux dans une tasse. Tu sais, Betty Crocker, ils font ça, tu mets ça au micro-ondes, ça fait un gâteau dans une tasse. C'est bon, ah, ça. Ouais. C'est très délicieux. Et là, il en sort un chocolate peanut butter brownie. Avec garniture au beurre de peanut que tu mets sur le dessus de ta tasse. Oh. C'est fantastique, ça, j'en veux. Il y en a aussi au chocolat caramel, donc genre le petit sucré, ultra sucré. Et t'as le cinnamon roll aussi, donc à la cannelle. Et t'as avec le jizz blanc là, que tu mets sur le dessus, là, le jizz. C'est exactement sucré. Ça. Ouais. Avec c'est le jizz. C'est très bon, ça. Ça, c'est très bon. OK. Et l'autre qu'il y avait, c'était brisure de chocolat. Il y en a un au brownie fudge. L'autre au triple chocolat, sérieux, ils doivent tous être pareils, hein? Triple, ben. C'est quoi la différence entre triple chocolat et hot fudge brownie, là? Ben, il y en a un qui est avec le des nom. Brownies. Hein, ça change le tout. Nom. Ça. L'autre, c'est au gâteau de fête, encore, cette mode-là, elle n'arrêtera jamais. Et muffin au bleuet. Pas pire. C'est quand même pas mal de variétés. Ben ouais, c'est. Ils arrêtent pas d'innover, hein? Non, c'est ça, on change pas. C'est ça. On n'arrête pas le progrès. Exactement. Ton tour de parler de Canada Dry, la boisson gazeuse préférée de Gab. Oui, j'aime bien. Voici la Canada Dry, ginger ale et limonade. Wow! Oh! Non, merci. Non! Ben non. Ouais, ben c'est parce qu'il brise la tradition. Un Canada Dry, c'est un Canada Dry. Exactement. Wow. C'est plus le champagne canadien à ce moment-là. Ben ouais, c'est ça. C'est comme d'essayer c'est de faire un Arnold Palmer, mais travesti un petit peu. Là, ouais, avec, c'est ça qui est baisse. On dirait que quand tu changes une tradition, c'est moyen. Ça. Ouais. C'est peut-être comme pour aller chercher les jeunes. Peut-être. Ouais, les jeunes qui boivent du Canada Dry. Ouais, hein, c'est ça. Une boisson reconnue comme étant à la mode. Tout le temps, ils se trafiquent ça. T'sais, après le fucked up, retirer les tablettes, là, maintenant ça va être le Canada Dry qui va être populaire chez les jeunes. Ah, mais ça me fait penser, parenthèse, on avait une discussion avec Louis-Étienne Villeneuve justement la semaine dernière. L'improvisation de la lime. Hein, oui, puis il disait que lui au primaire, il y avait deux choses qui avaient été bannies de la cour d'école, soit les ramen, tu sais là, qui était comme une des, la collation. Ah, il vient de mon école! Ça avait été banni parce que les jeunes se taxaient les ramen. Arrête donc! Je te jure. Wow. C'est quoi la deuxième affaire qui les a été bannie? Les cartes Pokémon. Oh! Ça devait être violent pour les cartes. Les Pokémon, je peux comprendre parce que il y en avait qui devaient flouer les autres pour des cartes Pokémon puis ça suscitait des bagarres. Ouais. Là, mais moi, je me disais, mon sang, lui, il venait à l'école à 3 heures. Moi, je viens de Sorel puis ça a pas été banni, ces deux choses-là. Ben, moi, ça a été banni. À l'Easter, à l'école Bon Pasteur, je m'en souviens, là. Il avait interdit ça, man. Les ramen. Mais les cartes Pokémon, je suis plus sûr, là, parce que c'est loin. Mais quand loin tu les bannis, ça fait pas que les gens veulent encore plus en avoir. Il y a un réseau. Ben, tu sais, quand c'est illégal, là, c'est tout le temps plus cool d'en avoir. Ouais. Hein, mm-hmm. Fait que, évidemment, moi, je me souviens, ils se faisaient des games de Pokémon en cachette pendant les cours de récré, tu sais. Parce que ça va faire le fucked up en ce moment. Hein, je veux dire, les gens vont se trafiquer ça, c'est sûr. Mais s'ils leur tirent des tablettes, ils pourront plus en avoir. Mais tu sais, le fucked up, là, j'écoutais, il en parlait à la radio l'autre jour, puis vous en avez parlé d'ailleurs. Ouais, mais, la chronique est sur YouTube. Tu sais, les liqueurs sont là. Bon, c'est accessible pour les jeunes, mais c'est quand même une boisson alcoolisée. Donc, tu sais, oui, possiblement que. Mais rendu là, ils vont peut-être. Je veux pas faire l'avocat du diable ou le polémiste qui va dire ouais. Enlever toutes les bières des dépanneurs. Mais tu sais, bon, la jeune de 14 ans a bu ça, elle en a bu un ou deux. Ouais, deux. Sur l'heure du midi. Tu sais, elle a bu deux boissons à 12% d'alcool, boit deux Big Ten. C'est là, ça. Là, mais le problème. Des grosses bières de. Je pense que le problème. Deux sur l'heure du midi, c'est sûr, t'es fini raide. C'est là. Clair. Mais le problème, c'est pas nécessairement le fucked up en tant que tel. Ils pourraient continuer d'en faire pour ceux qui veulent en acheter. C'est ça. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le marketing. Exact, parce qu'ils ciblaient les enfants. C'est quoi? C'est une boisson alcoolisée, énergisante? Ben, c'est de l'alcool et du sucre et du guarana et des trucs comme ça. C'est ça. C'est comme pas une boisson énergisante à proprement parler, mais dans le fond, oui, c'en est une. Il y a tellement de sucre. Le sucre te booste et l'autre te déprime, l'alcool. Donc, okay. C'est comme deux mondes que tu peux pas mélanger ensemble. C'est l'équivalent de... Ça ressemble à... J'ai jamais goûté en tant que tel, mais selon les experts et compagnie, c'est comme si tu buvais un genre de Red Bull, mais à 12% d'alcool. Mm-hmm. T'es chaud raide après ça, puis t'es allumé, tu sais. Ouais, c'est bizarre. Bref, allez voir les effets que ça nous a donné hier. C'était fantastique sur YouTube. Vous allez voir dans nos faces et dans nos corps. Est-ce que c'est bon? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est pas très dégueu, bon, non. J'en doute pas. Bref, merci. C'est tout pour une grosse pointe d'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 12-15. On doit se quitter là-dessus. Merci, Marc Gagné. Merci. À vous. Ça passe vite. Je sais. Ouais, on écoute C'est dans ta face les mardis à 15h. Merci à Gab Béaud. On te retrouve éventuellement pour la chronique de la lutte, sinon les lundis 20h à Chasse Galerie. Exactement. Talia va être de retour lundi. Nous, on va être là demain entre 7h et 10h pour les meilleurs moments de la semaine. Donc, soyez-y pour l'édition week-end. Sinon, sur nos ondes aujourd'hui, ne manquez pas la rediffusion du Mathieu Plante Show à partir de 13h. Ensuite de ça, à 16h, c'est la rediffusion du Prétexte avec Maxime Tanguay. 18h, je crois qu'il n'y a pas de sortie de secours à votre gauche cette semaine. Par contre, à 19h, Très Blues, assez fou, va être là à partir, c'est ça, 19h à 22h en ce jeudi. Voilà, on se retrouve demain 7h. Merci encore, les gars. Ouais, ça fait plaisir. Salut Mathieu, bonne semaine. On se refait ça, demain. Ben oui. Festival de la saucisse pour la journée de la dédu avec... Dans un an. Les femmes. Un an, jour pour jour. Parfait. C'est doté. Show. Me mets un reminder une fois par an. 8 mars. Voilà.